Donc bonjour à toutes et à tous. On va commencer notre atelier Debout Éducation Populaire. Donc c'est un atelier hebdomadaire qu'on a commencé au milieu du mois d'août et qui vise à répondre en fait à la question quelle société veut-on? Donc on l'a fait par étapes avec des axes. On a déjà fait l'axe de l'éducation, les enfants, les droits. On a fait la gestion des richesses et des biens communs. Et on a fait dernièrement le gouvernement. Donc maintenant qu'on en a fini avec le gouvernement, on va attaquer la justice aujourd'hui. Donc, en fait, l'idée de cet atelier, c'est que n'importe qui peut venir participer, au contraire, d'ailleurs, plus on sera nombreux et nombreuses à participer, plus ce sera intéressant. Donc, n'hésitez pas à venir, à vous rapprocher et à apporter vos idées. Donc, dans cet atelier, la question qu'on pose, c'est donc quel monde est-ce qu'on veut? Et on essaye d'aller chercher dans notre imaginaire des choses qui n'ont pas forcément encore existé. On essaye d'imaginer de quelle façon ça pourrait fonctionner dans une sorte de monde idéal. On pourrait dire ça comme ça. Donc la deuxième étape de l'atelier, donc dans les mois à venir, ce sera de savoir comment est-ce qu'on fait pour arriver à ce monde idéal qu'on aura défini. Voilà un petit peu le but et le principe. Donc aujourd'hui, on attaque la justice. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Donc on avait, d'accord. On avait mon portable qui sonne. Alors, lors des deux premiers ateliers, on avait déjà fait une certaine, on avait déjà dit quelques traits par rapport à la justice. Donc, je les cite et puis après, on peut soit partir de cela, soit en trouver d'autres en fonction de vos commentaires, de vos réflexions, de vos idées, de tout ce que vous voulez. Donc, on avait mis la loi renseignement, protéger les citoyens des géants de la donnée. En deuxième, on avait mis protection des lanceurs d'alerte. En troisième, punir l'acte en lui-même et non pas la personne qui le commet. Quel qu'en soit le motif, loi égale pour toutes et tous. En quatrième, trouver un système pénal sans incarcération. Donc là, ce serait revoir la fonction de la prison. Et en cinquième, ah bah ça y est, c'est terminé, la police arrive. Non, c'est pas la police, ça va. Et donc en cinquième, a-t-on vraiment besoin d'une instance judiciaire? Donc finalement, on va essayer de déployer tout ça pour en fait tout remettre en cause à la fin. Donc ça va être sympa. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à participer sur ces différents points, sur d'autres points. Le plus difficile est toujours pour commencer. Est-ce que quelqu'un a une idée par rapport à ce système judiciaire? Donc peut-être déjà on peut discuter du premier point, qui est la loi renseignement, protéger les citoyens des géants de la donnée. De quelle façon est-ce que ça pourrait être mis en place? Utilisez votre imagination débordante. Alors déjà, je comprends pas la fin de la phrase. C'est quoi l'utilisation de la donnée? Des géants de la donnée. Alors, les géants de la donnée, c'est ceux qui stockent des informations sur nous, genre Google, tout ça. Bah, du coup, je me fais cette réflexion. Pourquoi c'est dans le point justice, en fait, ça? Ah, ok. Bah, de toute manière, on le voit, enfin, après le 11 septembre aux États-Unis, et là, en France, c'est passé il n'y a pas très très longtemps. Effectivement, on est plus ou moins fiché de différentes façons par différents, on va dire, organismes. Enfin, on voit aujourd'hui même à travers notre passe Navigo qu'on qu'on peut savoir très bien où on va à travers les péages, les machins, enfin toute la, entre guillemets, l'informatisation et la numérisation des données. Ouais, enfin, après, je sais pas, c'est peut-être le hasard qui est ce point-là en premier, mais moi, j'étais plutôt. Pour moi, le premier truc quand on parle de justice, en fait, c'est j'ai cette expression de justice à deux vitesses et de l'indépendance de la justice. Et pour moi, c'est quand on parle de justice, faut. Alors, je dis pas que le premier point n'est pas intéressant, mais pour moi, c'est déjà c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, t'as certaines personnes qui ont le droit à une certaine justice et une justice un peu plus large, et t'en as d'autres qui sont en comparution immédiate et qui se retrouvent avec des peines pour finalement pas grand-chose. On en avait parlé un petit peu quand on avait parlé de comment dire, du gouvernement et de la politique, c'est que malheureusement, on a encore une fois certains de nos élus ou de grands patrons, etc., qui, bizarrement, face à la loi ou face à la justice, y a un traitement qui est différent. Et on voit des liens, mais entre la justice, même la police, j'ai envie de te dire, etc., qui sont. Quand tu as un président, alors je ne sais pas si c'est réellement le cas aujourd'hui en France, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il pouvait nommer des gens à des postes clés. Et quand tu nommes des gens, généralement, c'est plutôt des gens qui vont dans ton sens, enfin, généralement, même si de temps en temps, c'est un peu le contraire, mais c'est souvent de la communication. Et du coup, moi, c'est ça qui me vient déjà à l'esprit. Dans une société idéale, la justice, il faut qu'elle soit complètement indépendante et qu'elle soit juste pour tous les citoyens. Que tu sois, j'en sais rien, un chef d'entreprise d'une grosse entreprise ou que tu sois quelqu'un, voilà, enfin, qui, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est ça le plus important et c'est ce qu'on loupe aujourd'hui. Et l'impartialité des choses, en fait. Voilà. N'hésitez pas, ouais, vas-y. Bon, j'ai pas la thématique exacte. La justice, ouais. Ah, c'est un problème, la justice. Mais il est de plusieurs ordres. Il parlait, notre camarade, des différences entre la justice appliquée d'un individu et l'autre. Effectivement, on sait très bien que. Selon quelle classe sociale on appartient, à la sortie, c'est pas du tout pareil. Et pour cela, il y a un problème, c'est l'indépendance de la justice et comment est appliquée cette indépendance. Moi, je me souviens d'une affaire qui m'avait un peu choqué, parce qu'il y a les lois, puis il y a les directives. Les directives qui sont données par la chancellerie. Et les juges, eh bien, ce sont des êtres humains comme toi et moi, et donc chacun leurs convictions, leur point de vue sur la société, sur les individus, et c'est appliqué de façon plus ou moins différente d'un juge à l'autre. Et moi, ce que j'avais été choqué, c'est que lorsque M. Badinter est arrivé à la chancellerie, immédiatement, il a passé une circulaire dans tous les parquets pour éviter d'incarcérer les mineurs. Les juges ont fait strictement l'inverse. Strictement l'inverse, ils ont incarcéré à tour de bras. Donc, l'indépendance de la justice, comment la réformer, comment la faire autrement, le problème il n'est pas facile, me semble-t-il, du tout. Hein. Voilà. Et quant au big data dont tu parlais tout à l'heure, moi je ne vois pas d'autre solution qu'un contrôle citoyen sur l'acquisition, le stockage et l'utilisation des big data. C'est une affaire très sérieuse qui nous concerne tous, qui est très lourde. Et pour l'instant, c'est complètement sauvage. Hein. J'ai le matos, j'ai la société, j'ai tout ce qu'il faut, j'accumule, je pille, je ramasse et j'en fais ce que je veux. Et donc ça, il faut sortir de ça complètement. On est en danger avec cette accumulation des big data que chaque qui peut faire ce qu'ils veulent dessus. Sans contrôle citoyen sur les données numériques, on est bien dans la merde. C'est mon point de vue. Par rapport au big data, je pense effectivement que c'est un problème absolument fondamental et qui doit être intégré dans la question de la justice idéale. Moi, je me référais aux travaux de Michel Foucault dans Surveiller et punir, où il critique la justice utilitariste qui a été initiée par Stuart Mill en Angleterre et qui a été reprise par Adam Smith et qui tend en fait avec le concept de panoptique. De considérer que chaque citoyen doit être utile. Et donc ça débouche sur une société de la surveillance et du contrôle, où tout le monde est surveillé et tout le monde est contrôlé. Et Michel Foucault nous dit que le problème, c'est que cette forme de justice-là tend à instrumentaliser les citoyens et à nier leur liberté. Et ça aboutit à des lois liberticides. Donc on pourrait intégrer justement la valeur de liberté comme un élément fondamental de la justice et également l'anonymat. Pour justement protéger les citoyens de cette intrusion des big data. Donc l'anonymat, par exemple, sur Internet, dans les recherches ou oui. Non, mais je savais pas que quelqu'un allait le dire, parce que je pensais être un peu radical en proposant ça, en fait. Ouais, je me disais pourquoi pas. Pour certains, c'est pas normal en fait que pour certains services, on est obligé de donner une tonne de données. Bon, en fait, c'est normal parce qu'aujourd'hui, bah, comme il disait, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de. C'est freestyle quoi, ils font ce qu'ils veulent, ils ont le droit de demander ce qu'ils veulent pour nous vendre n'importe quel service. Du coup, oui, il devrait y avoir une législation là-dessus et franchement, ouais, pourquoi pas certains services, on puisse y avoir accès en anonymat. Enfin, je suis désolé du coup, on m'a pris, j'ai pas entendu tout ton développement, mais. Voilà, j'ai entendu juste la fin et ça, j'étais assez d'accord en fait. Même si ça doit être compliqué pour certaines conditions, dans certains cas, mais voilà, j'aime bien aller directement à l'opposé. Je suis sûr que c'est faisable, pourquoi pas. En tout cas, oui, légiférer évidemment sur l'utilisation quand c'est indispensable. Si c'est indispensable de donner ces données, évidemment, légiférer sur l'utilisation qui en est faite, etc. Mais ça me semble évident quoi. Enfin, oui, du coup, en fait, il faudra interdire que le produit, ça soit l'être humain, en fait. Parce que c'est un peu ça, en fait. Quand on voit Google, Amazon et compagnie, Facebook, qui est entre guillemets gratuit, en fait, le produit, c'est nous. Et ça, il faudra effectivement faire en sorte que ça ne marche plus comme ça. Après, sur toutes ces lois, en fait, quand on réfléchit, on nous les fait passer parce qu'on nous dit. En gros, c'est pour éventuellement détecter potentiel. Voilà, si t'es un terroriste ou t'es pas un terroriste. Enfin, c'est un petit peu en fait. On est dans le total sécuritaire. Après, dans la société idéale, pour moi, normalement, la société idéale, on n'est pas dans ce total sécuritaire. Et pour moi, cette loi là, ou la loi qui est passée en France, ou celle qui est passée aux États-Unis après le 11 septembre, ils y sont revenus un petit peu. Notamment avec Snowden qui a fait un peu péter le truc en balançant des infos. Donc pour moi, ça devrait même pas exister parce que dans la société idéale, on ne devrait pas être dans une société où il y a des gens qui ont envie de faire péter des bombes ou tirer sur des gens comme ça n'importe comment. On sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais oui. En fait, c'est comment. Encore une fois, bah c'est si on construit une société qui est moins dans la peur, pour moi, ça n'a plus de sens, en fait. Et justement, ça pourrait éventuellement... cette liberté qu'on disait de l'individu, pour moi, elle pourrait s'inscrire totalement dans la société idéale, encore une fois. Hein, je précise. Il faudrait, je pense... Du coup, alors peut-être faire ce que certains ici appellent des jurys citoyens ou des choses comme ça, et faire ce qui se fait dans certaines communautés où finalement, c'est en fait, si tu veux, si t'as un délit, s'il y a quelqu'un qui accuse son voisin de lui voler, je sais pas quoi, une vache, on va dire ça comme ça, finalement, tout le monde se réunit sur la place du village et on entend les deux personnes. Et finalement, c'est une décision qui est prise collectivement des citoyens de ce village-là. Et je sais pas, un juge ou un truc. Il n'y a pas spécialement d'avocat, puisque c'est les gens qui pourraient se défendre par eux-mêmes, en fait. Et donc, on arrêterait ce système d'avocat plus ou moins à sensation, entre guillemets. On pourrait être son propre avocat. Après, si on veut de l'aide, il n'y a pas de souci. Mais... en fait, finalement, le système judiciaire... j'ai eu l'occasion d'assister aller dans un tribunal et j'avais l'impression que c'était un jeu, c'était un espèce d'acteur studio, en fait. L'avocat, il se lève, il parle avec les mains, il emploie des grands mots, etc., etc. Puis t'as l'autre qui s'offusque. Et finalement, en fait, t'as l'impression de voir un film qui se passe devant toi. Sauf que là, c'est la réalité et que derrière, il peut y avoir vraiment une grosse peine et ça peut avoir des conséquences sur les gens. Et toute cette espèce de théâtralité de justice, pour moi, je dis ça un petit peu avec mes mots un peu à l'arrache, et il faut complètement stopper, quoi. Il faut revenir aux sources. Il faut arrêter de faire le sensationnalisme où quand on voit les Collard et compagnie ou les Vergès, voilà, moi ça me laisse perplexe tout ça. N'hésitez pas à participer, hein, vraiment tout le monde peut prendre la parole. Là, on est sur quelle société veut-on et donc la justice dans le monde idéal, comment est-ce qu'on l'imagine ? Ouais, c'est juste comme en fait t'es parti sur les avocats. Donc ça m'a juste fait penser, c'est une proposition que j'avais déjà faite en fait quand, je sais plus quand, ça fait longtemps, dans un débat ici sur le droit, je crois. En fait, une des solutions éventuellement pour moi, ça serait que tous les avocats en fait soient commis d'office en fait. En fait, que tu puisses pas, voilà, qu'il n'y ait pas d'honoraires, etc. Que ça soit un service public, que tous les avocats soient commis d'office. En fait, ça empêcherait le carriérisme, etc. Enfin, je pense, c'est mon point de vue, je sais pas. Voilà, donc c'est juste parce que tu parlais des avocats. Peut-être pour être moins radical, quand tu disais voilà, peut-être plus de juges, plus d'avocats, je sais pas. Enfin, j'avoue que je sais pas aujourd'hui si on aurait tous les capacités de se défendre, face à un jury citoyen et tout. Enfin, je sais pas. Donc peut-être pas une solution transition, quoi. Oui, est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose sur. Ouais, vas-y. Ouais, pour revenir à l'anonymat, en fait, moi, ce que je voyais par anonymat, c'est que Michel Foucault nous explique que dans la société de surveillance, la biopolitique a besoin de contrôler tous les corps. Et donc, il faut qu'il y ait une transparence. Il faut que tout le monde soit fiché, qu'on soit connu, soit identifié, etc., etc. Et donc, à partir de là, on parle même de puçage individuel aujourd'hui. Que chacun aurait une puce, etc. Et donc l'idée d'anonymat, c'est justement une sorte de contre-valeur à ce système-là, pour justement que les citoyens aient le droit, entre guillemets, à l'oubli. Vous voyez, qu'ils aient le droit de ne pas être fichés, de ne pas être identifiés, etc., etc. Donc c'est dans cette idée-là que je voyais l'anonymat, une sorte d'idée qui permettrait de protéger les citoyens, justement, de ce contrôle et de cette surveillance de masse qui peut déboucher sur des lois liberticides. Je redis encore, n'hésitez pas à participer. Hein. On pose la question, quelle justice nous voudrions dans cette société idéale? Et comme là, c'est la première fois qu'on attaque, enfin qu'on s'occupe de l'axe justice. Pour l'instant, c'est très large. On essaye un petit peu de tirer toutes les idées qu'on a là-dessus et on les développera dans les prochaines semaines. Sylvain, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais juste rebondir ce que tu viens de dire. Et en fait, on est en train de prendre le chemin complètement inverse de ce que tu viens de dire. Quand tu vois que les nouvelles pièces d'identité, bientôt ça va être des puces et il y aura toutes nos données. Quand tu vois qu'on numérise tout, que certains établissements proposent des coffres-forts numériques pour tout mettre sur. En fait, voilà. Je sais qu'au bout d'un moment, on s'est posé la question dans cet atelier, dans la société idéale, quelle place on met à l'informatique et au numérique. Et il y a des choses qui, effectivement, en fonction de l'utilisation, qui peuvent être positives, mais pour moi, ça, c'est tout le côté négatif des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, toute ta vie, les documents, ton numéro de sécurité sociale, voilà, tes références de pièces d'identité, etc., etc., tout va être informatisé. Et quand tu vois que dernièrement, Yahoo s'est fait pirater, je crois que même RiseUp s'est fait pirater, enfin, tout le monde, enfin, tous les. Les rares sociétés, voilà, qui collectent énormément de données, finalement, elles ont beau nous dire, il n'y a pas de souci, tout est fiable, mais non. Donc après, est-ce que du coup, pour revenir à la justice, est-ce qu'il n'y aurait pas je sais pas, un organe, un organisme, un truc qui justement, s'occuperait de la, je sais pas si le mot sécurité est très très juste, mais en tout cas, de faire en sorte que ces données-là ne fuitent pas. Et c'est vrai que c'est pas simple parce que à la fois on peut pas être. Moi, ce que je me dis, c'est qu'à la fois effectivement qu'on nous foute un peu la paix, mais être anonyme c'est compliqué aussi parce que si on est que dans une société d'anonymes entre guillemets, là il faut toute une organisation autour et c'est compliqué. Et je reviens à mon exemple de par exemple du voisin qui vole une vache. Si le voisin il est complètement anonyme, comment on fait pour faire une justice? C'est un peu con ce que je suis en train de dire. Mais du coup, je pense qu'on va dans l'extrême du tout sécuritaire, mais il ne faut pas non plus aller dans l'autre ou être complètement anonyme non plus. Et cette balance, c'est une question que je mets un peu sur cette place, savoir comment on peut trouver un équilibre entre tout ça. Et est-ce qu'il y a, je pense, des modérateurs à avoir, enfin, qui fait ça, voilà. Oui, donc n'hésitez pas encore une fois à participer sur ce thème. Je sentais que tu t'approchais à petits pas. Alors, en fait, il existe déjà un organisme qui est censé réguler tout ça, c'est la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. qui, jusqu'à présent, a eu une certaine influence, mais depuis quelques années, voit ses, on va dire, ses prérogatives diminuer au fur et à mesure. Justement parce que le tout numérique, au-delà du sécuritaire, c'est un intérêt commercial. Il y a des enjeux commerciaux derrière qui sont sur le contrôle du goût et des intérêts des gens, de permettre de mieux cibler la production de masse des grandes entreprises vis-à-vis d'une clientèle, de mieux informer cette clientèle vis-à-vis de produits dont elle n'a pas besoin. Et c'est là aussi que ça se joue tout le numérique avec ses codes et ses numéros et ses enregistrements systématiques. Après, il est bien évident que dans toute société, il y a besoin de pouvoir identifier les gens. Il faut quand même trouver un équilibre entre une nécessité, un besoin et l'ultra-sécuritaire et l'ultra-libéralisme. Par contre, là, j'ai pas de réponse. Bah, je me disais peut-être, du coup, sur tout ce qui est commercial, avoir cette base-là d'anonymat, où ils peuvent pas récupérer, même au niveau de l'IP, enfin, j'y connais rien, mais je me dis, peut-être qu'il peut y avoir un moyen sur tous ces sites commerciaux, et par contre, tous les sites qui seraient... plus officiel, donc je pense aussi maintenant c'est en train de se développer au niveau du dossier médical, mais aussi il y a le dossier formation, donc dans l'éducation, bon, toutes ces choses là ça peut apporter quelque chose, et encore peut-être que oui, peut-être que non, j'en suis pas tellement sûr, mais voilà, séparer en tout cas ce qui serait, je crois qu'il faut aussi surtout que ce soit toujours au choix de la personne. C'est-à-dire, si quelqu'un ne souhaite pas avoir son dossier médical de numérisé, elle ne souhaite pas avoir son dossier médical de numérisé. Et il ne faut pas que, pour autant, elle n'accède pas aux soins. Du coup, par exemple, parce que ça pourrait être l'enchaînement qu'on voit à peu près tout le temps, qui est que, non, mais vous êtes libre de faire comme vous voulez, mais alors du coup, vous n'avez plus accès à rien. Ce qui fait que c'est une fausse liberté. Donc, le laisser au choix, et laisser aussi, du coup, les personnes qui... Enfin, accéder aux mêmes choses en ayant le fichier numérique ou pas, et qu'il y ait bien une étude de fait pour comprendre déjà l'intérêt d'un dossier numérique, vraiment savoir pourquoi, parce qu'en fait c'est pas absolument évident, même en médecine pour l'instant. Et donc voilà, et laisser toujours au choix. Et j'avais un autre truc. Et oui, par contre, pour tout ce qui est commercial, que ce soit anonyme. Voilà, c'était ça. Un complément d'information, et je voudrais savoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de la situation maintenant de la carte vitale, où tout est indiqué dessus? Qu'est-ce que vous pensez maintenant? On peut plus, comment dire, on peut plus faire le, comment dire, on peut pas, je veux dire, pour faire une photo, il faut enlever les lunettes, il faut faire ceci, il faut avoir des papiers avec des photos. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Bah, en fait, là, on participe tous ensemble, donc je sais pas à qui tu demandes l'avis, en fait. Mais Enro en avait parlé, en tout cas, justement, avec cette volonté de contrôle et des corps et des pratiques. Donc, savoir ce que font les gens, où est-ce qu'ils sont et comment ils le font. Donc, voilà, il y a tout ce contrôle-là qui est, du coup, on parlait tout à l'heure aussi, voilà, du pass Navigo, mais en effet, la carte d'identité, le passeport qui va aussi être numérisé. Bon, vu qu'il l'est déjà, d'ailleurs, je crois. Donc, voilà, toutes ces choses-là, c'est vrai que, du coup, ça... Ça fait qu'enfin les personnes peuvent savoir où on est, à quel moment, même avec qui, et voir ce qu'on fait. Parce que si on a une carte bancaire, ils vont voir ce qu'on achète, par exemple, etc. Donc, mais ta question, c'était... D'accord, donc, est-ce que tu penses que dans la société idéale, il faudrait ce genre de choses-là ou pas? Le minimum nécessaire. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure par Sylvain, on est un peu dans le sens de l'histoire. Cette idée d'anonymat, en fait, ce qui se passe, c'est exactement l'inverse. Et pour moi, le grand risque, c'est que ça devient une force tellement importante que si ça tombe dans de mauvaises mains, ça peut être un outil de totalitarisme. Et donc, l'idée, ce serait justement, comme le proposait Sylvain, d'imaginer un contre-pouvoir, une sorte de démocratisation, un contrôle démocratique de ces fichiers, de ces données, de sorte à ce que ça ne puisse pas tomber entre des mains malveillantes. Ça serait un peu ça l'idée. J'ai une idée aussi. Non, moi je reviens par exemple sur la carte vitale, parce qu'une fois j'étais allée pour une prise de sang, et donc il y a quelqu'un qui est venu également pour une prise de sang, et la secrétaire, en voyant la photo, a dit à la personne qui était en face, mais ce n'est pas vraiment vous sur cette photo. Et donc elle s'est intéressée à regarder d'un peu plus près le numéro de sécurité sociale, et là effectivement elle s'est aperçue que cette personne ne correspondait pas non plus côté âge. Donc elle s'est permise de lui demander, est-ce que vous avez une autre pièce d'identité certifiant que vous êtes bien la personne sur la carte vitale. Donc là se pose la question aussi, bon, de la fraude. Parce que quand même je pense que sur le plan de la sécurité sociale, si on a un trou énorme de la sécurité sociale, il ne faut pas se voiler la face, il faut se dire qu'il y a eu pas mal de fraude et que c'est la fraude qui fait que on a, voilà, entre autres, hein, pas uniquement la fraude, mais aussi ceux qui ont profité d'autre chose. Donc je me dis que des fois, bah oui, de... Comment ? Voilà, le prédicament. Donc par exemple, pour la carte vitale, moi je me dis, moi, pour la photo, bah je me dis oui, étant donné que j'ai été confrontée à ce genre de situation. Bon, après effectivement, si des personnes ne peuvent pas payer une prise de sang, tout ça, oui, bien sûr... Si on a besoin, bah, il faut qu'on puisse accéder aux soins. Hein. Mais après, bon, il y a tout un système A. Et quand j'entends parler de, comment on appelle ça, de société idéale, bah, je me dis que dans une société idéale, par exemple, il ne devrait pas y avoir de justice. Normalement, bah, les personnes entre elles devraient accepter de vivre dans une... Donc, voilà. Oui, oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est ce que... C'est ce que j'essayais d'exprimer tout à l'heure, c'est-à-dire dans ce show, et cette espèce de show de justice assez rocambolesque. Et en fait, ça serait essayer de revenir à une justice, entre guillemets, on parlait de vente directe, par exemple, pour des produits, mais peut-être d'une justice peut-être un peu plus directe et un peu plus... qui passe moins par toutes ces sphères et toute cette lenteur et cette lourdeur administrative, et où on se rend compte que... si on prend un exemple récent, les écoplats par exemple, en fait c'est le bordel au bout du compte, et on leur interdit de pouvoir reprendre l'activité de leur entreprise parce qu'ils n'ont pas fait tel machin dans telle instance de trucs. Enfin, c'est assez compliqué quand vous mettez le nez dans les jurisprudences. Des fois vous partez et vous pensez que vous allez gagner, mais en fait vous gagnez pas parce qu'il y a un autre juge d'une autre région, de je sais pas quoi, du truc, qui t'a dit que finalement non, c'était pas possible, ou parce qu'il y a une personne qui a changé et finalement qui est plutôt contre certains contre certaines choses. Enfin, on le voit, nous on a des collègues syndicalistes qui tout d'un coup se retrouvent avec des peines parce que la juge n'est pas forcément en faveur des actions syndicalistes. Je fais exprès d'être très caricatural, mais en gros c'est ce qui se passe dans certains cas. Et c'est vrai que pour moi c'est très intéressant ce que tu dis là, mais c'est intéressant et on peut le faire, je pense, sur des trucs qui sont vraiment très très locales. Après, sur des histoires, sur des faits qui sont un peu plus gros, je sais pas si c'est possible, entre guillemets, de faire cette justice directe. Mais par exemple, sur, je dis n'importe quoi, mais sur l'échelle d'une région ou sur d'un département ou même d'un pays. Mais en même temps, voilà, dans la société idéale, est-ce qu'on aura des gros devoirs, enfin, si je prends un terme actuellement, des gros procès, j'en sais rien. Après, moi, je suis pour dire que peu importe le système, il y aura toujours quelqu'un qui essaiera de le couiller. Mais donc, du coup, il y aura peut-être besoin de quelque chose. Mais alors, est-ce que c'est un truc extraordinaire qu'il faudra faire entre guillemets, avec choisir... on revient un peu au choix des personnes, par tirage ou pas par tirage. Enfin, ce qu'on a déjà dit un peu, mais au niveau de la justice, et de temps en temps, cette chambre se réunit, c'est pas forcément toujours les mêmes personnes. Mais je me pose cette question, du coup. Enfin, t'as ouvert plein de portes en disant ça, en fait. C'est vrai qu'on avait déjà abordé ce point-là, notamment dans la gestion des richesses et des biens communs. On s'était dit, du coup, est-ce qu'il faudrait une instance de régulation, puisqu'il y aurait des échanges directs, et qu'il y avait l'éducation aussi qui rentrait là-dedans. Et je me disais, il faudrait une éducation à la justice, beaucoup plus qu'on l'a actuellement, c'est-à-dire quels sont les droits fondamentaux, quelles sont les limites aussi de chacun par rapport aux droits des autres, et du coup, quelle est la puissance, en fait, et plutôt que de penser en termes de droit, parce qu'on est vraiment dans une société de droit, oui, moi j'ai le droit de faire ça, et, donc je le fais parce que j'ai le droit de le faire, alors qu'en fait, bon, soit c'est pas forcément nécessaire, plutôt peut-être penser en termes de puissance, dans le sens où j'ai la puissance d'agir de cette façon-là, mais ma puissance va s'arrêter à la puissance de l'autre. Et donc du coup, on rentre dans un certain rapport, pas de force, parce que c'est pas un rapport de pouvoir, je distingue, c'est pas moi qui le distingue d'ailleurs, c'est Spinoza, mais les deux se distinguent dans le sens où la puissance d'agir, en fait, chez Spinoza, c'est quand plus tu es affecté par les choses autour de toi, plus tu as une puissance d'agir. Donc là, dans le cadre justement des puissances des différentes personnes, tu vas être affecté parce qu'il se passe par l'action de l'autre, par exemple, elle a un effet sur toi, et ta puissance, c'est d'y répondre sur l'affection qu'elle te donne. Et comme ça, du coup, l'autre est aussi affecté par ce qui se passe. Et donc, je vais pas partir dans... Je sais pas pourquoi je suis partie dans Spinoza, d'ailleurs. Bon, bref. Et ce que je me disais, par rapport à l'accès, en tout cas, aux fichiers numériques, que peut-être une possibilité, ce serait qu'en fait, il n'y ait que le propriétaire qui ait accès. Donc, c'est lui qui en dispose. Et donc, quand il va, par exemple... quand il en a besoin pour la médecine ou pour d'autres choses, du coup, il amène les données qu'il veut bien. C'est pas très clair ce que je dis. Enfin, il donne accès, du coup, c'est lui qui choisit qui a accès à ces données, du coup, à ce moment-là, parce que c'est lui qui a le fichier. Je sais pas si ça fait un peu de puce aussi, mais. Bon, voilà. Très rapide. Très rapide, une autre piste. Qu'est-ce que vous pensez du droit à l'oubli ? Le droit à l'oubli. En informatique. Juste, tu veux parler de l'anonymat ? Enfin, justement, Enron a parlé juste avant. Avant que tu arrives, justement, on en a parlé déjà. Mais si tu veux, après, si tu veux en reparler, mais je sais pas. Non ? Ouais, non, mais je pense que le droit à l'oubli, par exemple, c'est fondamental. Quand je pense à tous ces gens qui ont leurs photos ou des données sur eux qui sont sur Internet, qui peuvent leur faire préjudice, ça, c'est terrible. Moi, bon, j'ai la chance de pas être dans ce cas, mais je pense à ceux qui le sont. Et c'est vrai que j'aimerais pas être à leur place. Donc, le droit à l'oubli, moi, je suis complètement pour, quoi. Je veux dire. Et par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure, comme quoi dans la société idéale, il n'y aurait pas de justice, je trouvais ça extrêmement juste. Parce que Héraclite disait que s'il n'existait pas d'injustice, on ignorerait même le nom de justice. Donc là, vraiment, c'est dans la société idéale, effectivement, voilà, il y aurait plus de justice parce qu'il y aurait plus de sentiment d'injustice, justement. Donc, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, en fait. Et donc, du coup, il y aurait plus justement de contrôle, de surveillance, voire même d'État, de système. On serait dans un monde un peu idéal, justement, où voilà. Bonjour tout le monde. En fait, je vais juste présenter un peu ce que je fais. Moi, je suis dans le numérique, je fais de la recherche dans le numérique, donc c'est pour ça que ça m'intéresse pas mal aussi ce que vous dites. J'ai eu une conférence il n'y a pas très longtemps, justement, sur la propriété des données. Et en fait, je pense que le principal problème, c'est pas qu'on ait une carte sociale, enfin une carte vitale ou autre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas décider qui a accès à ces données. Si jamais, par exemple, on est sur Facebook, toutes les données qu'on met sur Facebook deviennent la propriété de Facebook. Et c'est vraiment là le problème. Et en fait, l'identité numérique en tant que telle doit exister, je pense, parce qu'on a tous une identité qui est numérique ou pas, mais on peut choisir de ne pas avoir d'identité numérique. Mais le vrai problème, c'est que, qu'importe le choix qu'on fait, le plus important, c'est que c'est nous qui le décidions et qu'on puisse choisir librement qu'est-ce qu'on peut mettre dessus. Et alors... Il faut faire attention, quand je dis librement, c'est par exemple pour la carte, pour la sécurité sociale, il ne faut pas qu'on puisse mettre des fausses informations, mais il faut qu'on puisse décider de, à ce médecin, j'ai envie de lui livrer l'ensemble de mes informations, à ce médecin, j'ai pas envie de lui livrer telle chose ou telle chose, avec les problèmes que ça peut poser, parce que par exemple, si on est allergique et qu'on veut pas montrer qu'on est allergique à telle chose, bah, ça peut poser des problèmes. Pour le passeport, c'est important qu'il y ait certaines données qui puissent être révélées aux autorités, par exemple, en effet, parce que il est important quand même qu'on puisse dire « je suis telle personne, c'est vraiment moi ». C'est important aussi de pouvoir justifier de qui on est. Et le passeport, c'est vraiment pour moi une façon propre et légale de pouvoir justifier de qui on est. Cependant, on ne veut pas spécialement que les personnes puissent nous suivre et donc décider à tel moment, j'ai envie de donner ces informations-là. Pour pouvoir voyager, j'ai besoin de donner ces informations-là, donc je peux les donner. Mais au moment où je veux les garder pour moi, au moment où je veux supprimer des informations, je puisse le faire parce que ces données, ce sont les miennes. Ça me concerne uniquement moi. Et du coup, je pense que le plus important, c'est pas... quelles données sont dessus, mais juste est-ce qui possède ces données. Et à partir du moment où on a la propriété de nos données, finalement, on possède l'ensemble de toutes les informations et on peut partager ce qu'on veut avec qui on veut, et c'est là le plus important. Voilà. Et du coup, comme tu connais un petit peu, de quelle façon ce serait faisable, ça, d'être propriétaire de ces données ? Alors, il y a déjà des thématiques qui sont faites. Moi, j'ai suivi une conférence à propos de... Alors, je ne sais plus le nom de la personne, c'était une médaille d'or du CNRS qui s'occupe, enfin, qui est aussi rédacteur au Monde pour les numériques. Donc, je ne sais plus, je crois que le journal s'appelle Les Binaires. Et donc, en fait, il y a des solutions où, pour le moment, en fait, nos données sont hébergées généralement sur des serveurs à l'étranger, sont hébergées sur... alors, je parle plus de Facebook, de quand on fait des recherches Google et des choses comme ça. Et en fait, c'est eux qui, quand on marque quelque chose, ils récupèrent l'information et ils la gardent pour eux. Et donc, en fait, en France, on a un peu de chance, c'est qu'on a le droit à l'oubli. On peut demander, voilà, ça, j'ai envie que ça disparaisse. Ça fonctionne très mal, certes, mais c'est quand même un droit qui existe. Dans d'autres pays, ça n'existe pas. Donc, je veux dire, c'est déjà une chance, entre guillemets. Et en fait, l'idée, c'est juste que faut décentraliser un petit peu. Enfin, pour moi, c'est vraiment une question de décentralisation. C'est-à-dire que si je veux stocker les informations sur mon PC uniquement, c'est un risque parce que mon PC risque de brûler. Mais quelque part, les données, j'y ai vraiment accès. Après, avec un organisme, moi, je crois beaucoup en l'État. Donc, je pense qu'on peut laisser une sorte de données. L'État possède nos données, entre guillemets, dans le sens où c'est eux qui ont le physique, mais par contre dessus on peut les crypter de telle sorte à ce que uniquement nous puissions y avoir accès. Et pour moi, ça, c'est une solution qui est assez importante, dans le sens où on puisse libérer des informations à un temps voulu, à une personne voulue, donc qu'on puisse lui sortir, voilà, prenez cette carte là, avec cette carte là vous pouvez débloquer telle ou telle chose. C'est des choses qui pourraient se faire techniquement, qui demandent beaucoup de recherche, mais je pense que justement c'est ça qui ferait évoluer, enfin je pense que, étant dans la recherche, j'y crois du moins, qu'on puisse faire apporter ces solutions là. Et voilà. Donc je pense que techniquement, c'est des enjeux importants, mais qui peuvent se résoudre. Ben, oui. Non, c'est moi, je vais peut-être profiter que vous êtes là, parce que moi, bon, sur Internet, je ne suis pas du tout experte ni quoi que ce soit. Mais quand on parle de serveur, un serveur, c'est une machine. Donc, à la base... quelles sont les personnes qui sont donc à la tête, je ne sais pas, de Google, de Facebook, et qui peuvent utiliser nos données? Qui sont ces personnes? Techniquement, toute personne qui ont accès au serveur peuvent récupérer ces données si elles ne sont pas cryptées. Après, légalement, je ne sais pas trop comment ça se passe. J'ai aucune connaissance juridique, mais d'un point de vue physique, technique, n'importe qui a accès au réseau peut accéder aux données s'il dispose des autorisations nécessaires. D'accord. Est-ce que vous souhaitez qu'on continue sur... là, du coup, on a peut-être pas mal de données, j'allais dire, mais... Oui, tu... Ah, je suis navré, j'ai un... D'accord. Bon. Donc, est-ce qu'on passe à un autre point? Ouais, on continue un peu là-dessus. Bon, tout à l'heure, quand on avait abordé la question des, comment on appelle ça, des G-data, là, je ne sais pas trop quoi, là. Hein? Big data, pardon. Donc, des big data, ce que je voulais rajouter, c'est que quand même, bon, par exemple, sur Facebook, ce sont nous, enfin, des personnes envoient des messages sur Facebook, et moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que les amis entre eux, détournent les informations, tout ça, et ça donne aussi des problématiques. Donc, il n'y a pas simplement les big data qui créent des problèmes, c'est les individus entre eux aussi qui se créent des problèmes, des histoires et tout ça. Donc, ça aussi, il faudrait pouvoir réguler. Mais si, en effet, comme tu le disais, la personne est propriétaire de ses données, du coup, peut-être que ça ne peut pas être non plus récupéré, donc ni par les grands groupes, ni par les autres. Puis, oui. Juste pour faire un parallèle, par exemple, là, on est en train de communiquer, il y a quelqu'un qui pourrait être en train d'enregistrer. Est-ce que ce que je suis en train de dire, ça m'appartient? Est-ce que si jamais quelqu'un enregistre, du coup, il a accès à ce que j'ai dit et il peut le redévoiler? Donc, est-ce que quand je m'exprime en public, c'est vraiment mes données? Ça, c'est une question qui est assez importante. C'est que, en fait, finalement, quand on s'inscrit sur Facebook, pour prendre l'exemple de Facebook, mais ou alors quand sur plein de données, dès que finalement on communique avec autrui, il devient il partage les données que je lui ai partagées. Il dispose des mêmes données que moi. Et c'est là où Facebook ont légalement aucun tort, et que c'est pour ça qu'il y a autant de lois qui existent. C'est qu'en fait, ils se protègent en disant, vous êtes inscrit sur Facebook, c'est votre choix, du coup, vous acceptez que nous, on utilise les données à des fins publicitaires. Et c'est juste que finalement, pour moi, ça se rapproche à l'éducation des gens, où il faut leur dire juste, attention, quand vous allez sur Facebook, quand vous faites une recherche Google, quand vous allez sur Facebook pour parler à des amis, vous autorisez des grands groupes, des PDG, à partager ces informations à des commerciaux, à partager ces informations avec les États et des choses comme ça. Ouais. Est-ce que c'est ça que vous appelez cookies, par exemple ? Cookies, c'est bien ça ? Je voudrais avoir aussi, et je crois qu'il ne faut pas non plus, on est un peu omnibulé par l'esprit de transparence. Des fois, il ne faut pas être totalement transparent. Il faut avoir un peu de secret. Tu veux répondre ou... Alors, ce qui concerne les cookies, c'est juste un point de vue technique. En fait, les cookies, c'est un petit fichier texte qui se met sur votre ordinateur quand vous allez sur des sites. Et en fait, l'avantage généralement des cookies, c'est juste que ça leur permet au site de savoir que vous étiez déjà allé sur le site une première fois. Et donc, en fait, ils peuvent directement réutiliser les informations que vous avez utilisées. Mais vu que ça va sur votre ordinateur, ils sont obligés de vous le dire légalement. Voilà, on a mis quelque chose sur votre ordinateur. Donc ça, c'est le point de vue un peu légal et technique. Et sinon, au niveau de la transparence, oui, c'est sûr qu'il faut pouvoir garder des aspects privés de sa vie et pouvoir dévoiler que ce qu'on veut. Très rapide, c'est juste, je serais encore plus radical, je serais même pour interdire l'utilisation commerciale des données personnelles, enfin presque interdire, ou enfin en tout cas très limité très fortement, je sais pas, j'ai du mal à voir l'intérêt vraiment de cette pratique commerciale, mais donc il faudrait vraiment qu'on me l'explique, hein, s'il y a peut-être des intérêts humains, mais j'ai du mal. Voilà, et juste, c'était juste pour dire, comme tu as parlé d'enregistrement, juste pour préciser qu'on enregistre justement, donc voilà, t'as bien fait de le dire. Est-ce que ta parole est... Est-ce que tes données sont privées maintenant? Je ne sais pas. Sur la sécurité des données, la confidentialité des données, on a beaucoup parlé là de l'aspect technique, mais il y a aussi un aspect culturel qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire que, entre autres, par un certain nombre d'émissions télé ou radio ou même de jeux sur Internet, on nous impose un modèle de société où la confidentialité et la vie privée sont des données obsolètes. C'est-à-dire qu'on est incité, entre autres, je pense à certaines stars en particulier américaines, qui exposent toute leur vie privée, ou soi-disant toute leur vie privée sur Internet. Ça doit certainement être sélectionné pour certains intérêts. Mais c'est un modèle de société où de plus en plus de jeunes adhèrent parce que ça leur paraît normal. Et là où il y a un intérêt commercial, c'est un intérêt totalement parasite, c'est-à-dire que c'est une activité économique parasitaire qui s'autogénère et qui fabrique énormément de revenus tout en ne fournissant rien, sans aucun service, aucun intérêt, à part détruire la vie privée des gens, qui devient en fait un intérêt commercial. Oui, alors je rejoins tout à fait ce qui avait été dit tout à l'heure sur les solutions sur la décentralisation. Je crois que c'est vraiment le problème, c'est le monopole. C'est qu'aujourd'hui, on a des multinationales, notamment les GAFA, qui ont une sorte de monopole sur le marché de l'information. Et donc ça, faut effectivement aller vers, d'une part, la décentralisation, et d'autre part, je pense, au niveau de la propriété de nos données, en fait, c'est la question de la valeur. Puisque nos données sont des valeurs commerciales, et donc qu'on nous prenne nos valeurs à notre insu pour faire de l'argent, il y a une forme d'injustice, en fait, auquel on aurait droit de réclamer. Et puis enfin, je pense qu'il y a aussi un problème politique, parce que la démocratie, c'est aussi la liberté de conscience, la liberté de penser. Et quand on accède justement à nos données sur Internet, d'une certaine façon, c'est comme si il y aurait une sorte d'intrusion dans nos pensées, dans notre conscience. Donc pour moi, ce serait une atteinte à une valeur fondamentale de la République qui devrait normalement être respectée. Et ensuite, l'autre problème, c'est aussi la question de la justice transnationale. Parce que comme les données partent dans d'autres pays, donc dans d'autres univers juridiques, alors comment faire quand le droit français nous donne le droit à l'oubli, mais quand les données partent à l'étranger? Donc ça pose aussi des questions de droit international. Oui, je précise juste pour les personnes qui viennent d'arriver, donc là on est en train de... de faire notre atelier hebdomadaire. Et on, la question de cet atelier, c'est quelle société veut-on ? Et aujourd'hui, on est sur l'axe justice. Et en fait, on a commencé sur le numérique. Comment réguler le numérique au niveau justement des droits par rapport aux données. Et de quelle façon voilà, la justice a un rôle à jouer là-dedans. Donc n'hésitez pas à participer si vous le souhaitez. Au contraire, plus il y a de personnes qui participent, plus les idées sont intéressantes. Est-ce que du coup on reste sur le numérique ou on passe à la suite ? Est-ce que quelqu'un souhaite encore dire quelque chose par rapport aux données du numérique ? Je pense que du coup peut-être ce qu'on a pu dire là-dessus, c'était que au niveau commercial, donc interdiction en gros de l'utilisation des données au niveau commercial. Et pour tout ce qui est des autres données, la personne en est propriétaire et décide qui peut y avoir accès. Et en fait, du coup, c'est vrai qu'il y a aussi des plateformes sur lesquelles on peut mettre ces idées en les rendant tout de suite publiques. Donc ce serait bien de distinguer en fait les deux. Une plateforme sur laquelle on choisit à qui y a accès et une autre plateforme sur laquelle ça peut être public, comme là par exemple l'intervention de maintenant ou sur les places. Ok, est-ce que quelqu'un souhaite encore rebondir sur ce thème-là ? Oui, non, non, oui. Donc, on enchaîne. Alors, ensuite, on avait... Du coup, pour aller vraiment dans la question judiciaire, peut-être plus directe, on avait mis trouver un système pénal sans incarcération. Alors, déjà, ça repose la question que tu as avancée tout à l'heure, finalement, dans ce monde idéal, est-ce qu'il y aurait besoin d'une justice ? Et moi, en fait, ce qui m'interrogeait tout à l'heure, je me disais peut-être que cette justice, elle pourrait avoir lieu aussi au niveau local, par exemple, que ce soit, que dans une ville, par exemple, il y a une instance de justice où des citoyens participent. Et quand il y a un acte, en fait, qui met en danger d'autres personnes, eh bien, à ce moment-là, la personne va être jugée. Alors, par ses personnes, à la fois, c'est dangereux aussi, mais là où il y a l'éducation, du coup, qui viendrait avec. Pour évaluer avec elle de quelle façon ce qu'elle a fait a pu faire du mal aux autres et a pu engendrer tout ce que ça pourrait engendrer derrière. Donc en fait, ce serait de l'éducation populaire en justice, d'une certaine façon. Et donc faire un débat sur l'acte qui a été produit. Mais dans ces cas-là, peut-être qu'il n'y aurait pas besoin de prison derrière. Et encore, ça dépend de la gravité de l'acte, parce que bon, certainement que s'il y a un crime, c'est plus compliqué. Mais qu'en fait, du coup, que l'acte répréhensible, s'intègre à ce moment-là dans la société, qu'est-ce qui a pu le produire, qu'est-ce qui s'est passé, comment aider les victimes et comment comprendre, enfin, et comment aider aussi le coupable, le ou la coupable d'ailleurs, à se rendre compte de ce qui s'est passé. Alors là, c'est un petit peu vague la façon dont je dis, peut-être que vous avez des idées dont ça pourrait fonctionner justement. Oui. Je rejoins tout à fait ce que tu dis. Je pense effectivement dans une société idéale, en fait, je pense que au lieu de faire comme aujourd'hui, dire il faut construire toujours plus de prisons, toujours on manque de places de prison, etc. Ce serait plutôt de dire on n'a plus besoin des prisons, quoi. On va les transformer en écoles ou en hôpitaux. Et donc effectivement, voilà. Donc voilà. Tout à fait d'accord. Et bien évident qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà dit il y a une centaine d'années, Victor Hugo. Plus d'école égale moins de prison. Qu'est-ce que vous pensez aussi de l'histoire du bracelet électronique ? Vous avez l'exemple tout récent de la personne qui est actuellement en prison, qu'on va faire sortir sous bracelet électronique. Moi, ce que je pense, parce que, quand je suis toujours en prison, mais malheureusement, vous avez en ce moment cette société, elle profite de donner du travail à des prisonniers pour pas très cher. Ils savent qu'ils ne vont pas faire grève. Est-ce que sinon, c'est matraqué ? Moi, je pense qu'à bas les prisons, il n'en faut plus. Le meilleur moyen, si quelqu'un fait une faute grave, qu'il se réconcilie. Mais il faut savoir pourquoi qu'elle a fait. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système qui pousse les gens. Si vous arrivez, moi, je veux une aide. Vous n'en aurez pas. Comment vous faites ? Et c'est vrai qu'on s'attaque à des pauvres gens. On est déjà, par nous-mêmes, dans les prisons, c'est déjà violent. Mais déjà. La société est déjà violente. Donc, cette violence que l'on a dans la rue, elle se retrouve encore plus pire dans les prisons que dehors. Dehors aussi, un peu. Mais dans les prisons, c'est extrêmement pire. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Écoutez une radio. Vous allez voir tout ce qu'il y a dans les prisons. Et les gens, parce que pour obtenir quelque chose, maintenant, soit pour aller voir une personne, pour un enterrement comme ça, ben on le refuse. Alors, ben l'idéal, ça serait une société sans prison. Et à ce moment-là, on met la personne, bon, ben elle fait des... Ah, je sais pas comment on pouvait appeler ça, moi. Ben, elle se réconcilie. Marc s'est dit... ça dépend des circonstances, hein, parce que des fois, c'est très dur hein, quand quelqu'un vient de perdre quelqu'un parce qu'il a... Il s'est fait attaquer durement, un truc comme ça, mais je sais pas quel remède qu'on pourrait trouver, ça serait. Mais je pense que à l'heure actuelle, vu ce qu'on entend dans les médias, c'est pas en construisant comme ça. Au contraire, plus on va en construire et plus on va en faire, et encore plus, ça va augmenter. Et ce qu'on oublie peut-être, c'est que tu as des sociétés privées qui vont se mettre là-dedans. Déjà, les personnes qui sont en prison, ils payent le double. Hein, un dentifrice, ils vont le payer le double. C'est exagéré. Eh oui. Alors, comment faire? Peut-être une société sans prison, à ce moment-là, pas moi. Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire faire des travaux ou réconciliation, ou essayer de leur apprendre un pas essayer de les former, parce que la prison, elle ne forme pas. Alors que, ça, on sort de prison, alors on s'étonne parce que. Aujourd'hui, il y en a qui récidivent. On fait rien du tout. La personne est lâchée dans la nature. Des fois, avec même pas rien du tout en poche, elle prend le métro. Ben, la moindre occasion, c'est se fait toper, ça y est. Alors là, c'est une discussion qui est... Est-ce qu'il en fout ? Moi, pour moi, ça sert à rien. C'est de la connerie. Oui, peut-être, je pense déjà, il faudrait distinguer deux types de délits. Les délits qui touchent aux biens et les délits qui touchent aux personnes. Et alors, par exemple, sur tout ce qui touche au bien, en effet, dans ces cas-là, on peut tout à fait enlever le système de la prison. Il y avait quelque chose qui avait été proposé, il me semble que c'était déjà en 400 avant Jésus-Christ, je crois. C'était, je sais plus, j'avais lu un texte là-dessus, mais qui était que quand, si par exemple tu voles une pomme, eh bien, il faut que tu rendes deux pommes. Si tu voles 500 000 euros à la sécurité sociale, faut que tu rendes 100 000 euros à la sécurité sociale. Qu'en fait, par rapport à ce que tu voles, faut que tu rendes le double. Et dans ces cas-là, ça paraît beaucoup plus juste au niveau des personnes qui ont plus de moyens que d'autres, parce que quelqu'un qui va avoir peu de moyens, du coup, va pas prendre le risque de voler quelque chose, parce que à chaque fois, il prend le risque en fait d'avoir à payer deux fois ce qu'il a volé. Donc, si on peut... Enfin non, du coup, de toute façon, on ne serait pas dans la société actuelle. Mais voilà, donc pour le vol de biens, par exemple, ça pourrait y avoir ce système-là dans lequel on se passe totalement de la prison. Après, pour ce qui est du coup de l'attaque aux autres personnes, donc il y a un petit peu ce qu'on a pu dire tout à l'heure, que ce soit réglé de façon locale, et je sais pas... Je ne sais pas s'il y a d'autres idées là-dessus. N'hésitez pas à participer. Hein, je vois des gens qui s'arrêtent un petit peu. Là, on est dans un atelier éducation populaire dans lequel on pose la question « Quelle société veut-on ? » Et donc là, on est dans la justice. Et la question qu'on est en train de poser, c'est « Comment trouver un système pénal sans incarcération ?» Donc, n'hésitez pas à donner vos idées et à participer. Je crois que ça a déjà été dit, c'est ce que tu as un peu dit, je sais pas. Enfin, au lieu de faire des procès, faire un espèce de... Enfin, en fait, c'est comme ça que j'ai noté. Ça, donc, du coup, c'était ton idée. Ça. Alors, en fait, sous forme d'analyse des faits, mais en commun. Et que, du coup, on apprenne tous de ce qui s'est passé. En fait, voilà, plutôt. Enfin, pour moi, je vois plutôt comme ça. Enfin, surtout pour les. Effectivement, peut-être surtout pour les délits sur les personnes. Parce que sur les biens, effectivement, on va peut-être pas se poser tous les jours pourquoi quelqu'un a volé 500 euros. Ça dépend de la société idéale, on verra. Mais en tout cas, oui, voilà, se le poser en commun et voir plus ça comme il s'est passé quelque chose pour nous tous, en fait, et pas que pour lui et pour cette famille. Et puis nous, ça ne regarde pas au final. En fait, je pense que voilà, on devrait vraiment le prendre en commun et après, ouais, en débattre. Et évidemment que du coup l'accusé entre guillemets est exactement la même place que les autres, évidemment. Enfin, pour moi, du coup, ça va de soi, mais que l'accusé dans ce débat-là est exactement la même place, que le même pouvoir de parole que les autres, Et les autres aussi, évidemment. Enfin voilà, qui fait que, je pense qu'effectivement, ça serait déjà beaucoup plus constructif qu'un débat comme ça, enfin qu'un procès en ce moment, comme c'est le cas, unilatéral et où il a très peu de paroles, etc. quoi. Enfin bref, il est là que pour se défendre et pas forcément expliquer le pourquoi, quoi. Enfin, oui, du coup, ce serait enlever peut-être le terme de responsabilité individuelle pour penser chaque fois en responsabilité collective. S'il y a quelque chose qui s'est produit, c'est parce qu'il y a tout un ensemble d'éléments et donc tout le monde, enfin toutes les personnes autour finalement sont d'une certaine façon responsables de ce qui a été fait. Et c'est vrai que ça change du coup énormément le rapport à l'acte et le rapport aussi derrière à la punition, quoi. Ce que tu viens de dire là, ça me fait penser à une procédure qui existait chez les Vikings, où d'ailleurs c'est les Vikings qui ont inventé le procès avec juré, hein, un système pénal où il y a une ou plusieurs personnes chargées de défendre l'accusation, une ou plusieurs chargées de défendre la défense, c'est redondant, et 12 jurés chargés de prendre une décision. C'est quand même les Vikings qui l'ont inventé. Et dans ces procès, s'il y avait une part de responsabilité individuelle de la part de la personne qui avait commis la crime ou le délit, ce n'était jamais isolé, c'était toujours en rapport avec sa communauté, que ce soit sa famille, son clan, sa tribu, son royaume. Et tous ces niveaux de communauté, en fonction du niveau du délit, avaient aussi une part de responsabilité. Et par exemple, en cas de meurtre, ça pouvait être toute la famille ou tout le clan du meurtrier qui était chargé de payer. Sachant que les Vikings avaient un sens de l'honneur qui était exacerbé, ça les amenait à prendre énormément de précautions pour éviter ce genre de problème. Le fait d'être obligé de tenir compte de sa famille quand on décide de tuer quelqu'un, ça évite de passer à l'acte bien souvent. Oui, en effet. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir sur ce qui a été dit, hein ? N'hésitez pas à participer. Là, nous sommes sur une place publique, donc la parole est vraiment ouverte à toutes et à tous. Donc là, on est en train de penser à un système judiciaire sans prison, voilà, sans incarcération. Du coup, il y avait un truc, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Oui, que ça implique, non seulement que ça implique d'autres personnes, l'acte. Après, quand on disait tout à l'heure, il y aurait peut-être pas besoin de justice. Enfin, il y a toujours ce qu'on appelle les actes impulsifs. Hein, voilà. Et ça, je pense que ça existera toujours, même s'il y a une bienveillance autour, même s'il y a quelqu'un peut-être. Enfin, ce qui est intéressant avec l'idée de responsabilité collective, c'est que tout le monde va être beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe autour de lui, de la détresse des autres, et du fait que voilà le moindre. Du coup, ça me fait penser au stoïcisme dans lequel dès qu'il y a quelque chose qui est produit, ça a un impact sur tout le reste autour. Et donc, même si c'est mon voisin qui est dans une certaine situation, ça a aussi un impact du coup sur ce que je fais. Et comme tout est corrélé, du coup, ce serait vraiment une société qui serait pas comme on l'entendrait maintenant de l'ordre du contrôle. C'est pas qu'on va contrôler ce que fait l'autre pour d'une façon utilitaire, mais plutôt dans le sens, on va tous vers un mieux-être. Et pour le mieux-être collectif est corrélé tout le temps au bien-être individuel, quoi. Au mieux-être individuel. Enfin, ce serait, en fait, on penserait même plus en termes binaires collectif-individuel, parce que ce serait toujours là ensemble. Mais oui. Tu parlais des stoïciens, moi ça m'a fait penser à Socrate. Pour Socrate, en fait, la justice est une vertu. C'est une vertu qui relève de l'harmonie du corps. En fait, pour qu'il y ait une société juste, il faut qu'il y ait des citoyens justes. Et ce que dit Socrate, c'est que la justice au niveau d'une cité, ça va être justement l'harmonie de la cité. Et il fait une analogie entre la santé du corps et la santé de la société. Et pour lui, le rôle des juges, on va dire, c'est de guérir en fait la société comme on pourrait guérir un corps. Et donc ça rejoint ce que tu dis. Quand il y a une cellule qui est malade ou qui commet une infraction, on va dire, il ne s'agit pas de détruire la cellule, mais de trouver la cause, on pourrait dire presque médicale, sociale, de cette défaillance pour la traiter. Et donc de cette façon d'amener la paix sociale, la paix, la liberté dans l'ensemble de la société. Voilà. Oui. Est-ce que quelqu'un souhaite dire autre chose là-dessus, ou est-ce que vous avez l'impression que du coup on a réussi à penser le système sans prison ? Oui. encore un petit rappel historique, c'est que le phénomène dans l'histoire de l'humanité, le phénomène de la prison, c'est quelque chose qui est relativement moderne parce que c'est les Romains les premiers à avoir conçu les prisons. Et c'est dans un cadre très précis. C'est après, à partir du Moyen-Âge occidental, qu'on a construit des prisons pour incarcérer les gens pour toutes sortes de peines. Auparavant, il y avait d'autres systèmes qui existaient. Ça allait aussi bien de l'amende, du bagne ou la peine de mort. Bon, je dis pas que c'est des bonnes solutions, mais la prison, c'est moderne. Et on s'accroche à ça parce que c'est une invention occidentale, en fait. Je crois que c'est surtout ça. Oui, et puis surtout, ça devient un business aussi. Là, actuellement, les prisons, c'est... un petit peu quand tu fais, comme Trump qui veut relancer le pays en faisant des grands travaux, quoi. Ce qui, un truc que tout le monde fait depuis des siècles, et on n'a pas entendu Trump pour le faire, et on l'a fait en France avec les viaducs de Millau et enfin d'autres choses, plus ou moins utiles, j'ai envie de dire. Oui, les prisons, enfin, j'étais en train de partir un peu en vrille en me disant en fait des prisons, on s'en met nous tous les jours et je pensais aux prisons dorées, etc., etc. Et finalement, en fait, les prisons, elles sont déjà là, même si elles ne sont pas, physiques, mais on les a. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'après, il y a des gens qui pètent des câbles et qui se retrouvent vraiment dans des prisons physiques. Mais pour moi, oui, une prison, ça n'a plus lieu d'être. On voit, je pense que ça a été dit ici, ça ne marche pas. Voilà, on voit pas grand-chose. Ça, c'est pas grand-chose, mais après, la question, c'est toujours la même. C'est face à des délits de... quand quelqu'un tue une autre personne de sang-froid, c'est compliqué. C'est compliqué de se dire, pourquoi elle a fait ça peu importe la raison, j'ai envie de te dire. Mais qu'on remet cette personne en liberté et on n'a aucune garantie qu'elle ne refera pas la même chose. Et moi, là-dessus, je sais pas. Je me dis, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, dans les films de science-fiction, ils cryogénisent les gens, ils les foutent dans des tubes et ils les congèlent. Je suis pas sûr que ça soit une solution. Mais voilà. J'en sais rien, c'est vraiment... Je pense qu'après, c'est aux gens de décider. Mais généralement, dans ce genre de cas, les gens, ils décident toujours des choses un peu hardcore, quoi. Et c'est là où on se dit, et on le voit là actuellement, où les gens se disent, finalement la peine de mort, pourquoi pas pour certains individus. Et c'est à ce moment-là qu'entre guillemets, il y a les esprits un peu, le côté obscur de la force des gens qui ressort. Et même des gens, parce qu'il y a une situation à l'instant T qui choque. Et on se dit, il faut être radical. Donc c'est très, en fait, tout ça c'est très dans la tête, je trouve. C'est très mental. Mais à la fois, comment pardonner à quelqu'un qui tue de sang-froid ? Mais là, je parle vraiment du tueur qui sait ce qu'il fait, il tue. Je parle pas de celui qui est malade et qui pète un câble et qui va se mettre à étrangler quelqu'un, par exemple, parce que c'est sa maladie. Et là, je sais pas comment, du coup, il faudrait faire si on met pas de prison. Et encore une fois, la prison n'est pas non plus, je pense, un lieu idéal. Alors, est-ce que ça serait une espèce de lieu médicalisé avec des gens qui sont autour de lui, enfin j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, c'est pour ça que dans l'esprit de pas de prison, dans ce genre de cas, il y a des limites. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Juste pour reprendre ce qui a déjà été dit, en fait, sur ce sujet-là, ce qu'on a dit, c'est qu'en fait, on penserait en termes de responsabilité collective à chaque fois. Donc quand il y a un acte qui est commis, par exemple, quelqu'un de sang-froid ou de façon impulsive, la question serait, en fait, c'est la société la société, dans le sens, on a tous commis cet acte, parce que s'il s'est fait, c'est qu'on a tous à un certain moment loupé quelque chose. Et donc là, on est vraiment dans un monde dans lequel on essaye de se protéger de l'autre, se protéger soi de l'autre. Et là, du coup, dans ce monde là ce serait se protéger les uns les autres. Et donc en cherchant à protéger celui qui est à côté de soi, et ceci de façon collective et permanente, ça n'empêche, bien sûr, des fois il y aura toujours, bien évidemment, des crimes, et aussi des fois par des accidents aussi, enfin ça faut aussi prendre ça en compte. Donc ça, il y aura toujours, mais si à chaque fois c'est pensé dans le sens où, en fait, on ne l'a pas assez bien protégé, cette personne-là et non pas on sait pas comment mieux se protéger de ces personnes-là. Du coup, ça déplace énormément le curseur. Et comme tu disais, oui, c'est dans nos têtes, cette façon d'agir aussi. Oui, on parle des prisons, mais il y a une chose, c'est que des fois, lorsqu'on dit que, par exemple, à une personne, voilà, on vous donne une peine, soit quand vous mettez le bracelet électronique parce que vous n'allez pas en prison, alors la personne qui a le bracelet électronique, elle a des contraintes pour elle, c'est déjà, elle est chez elle, mais elle est quand même en prison, puisqu'elle est surveillée, si elle ne répond pas à une certaine heure, elle doit rentrer, et si elle ne rentre pas à l'heure juste, à ce moment-là, là aussi, hein, y en a des fois qui refusent le bracelet électronique parce que c'est vraiment pour au point de vue individuel, pour sortir tout ça, c'est pire une contrainte. Alors, des fois, il y en a, ils préfèrent. Alors, est-ce que nous, si, pour une personne qui aura fait des petits délits, je pense même le bracelet électronique, c'est une sorte de prison dans la tête de la personne. Si, par exemple, d'avoir le bracelet électronique pendant trois mois. C'est dur, hein, certainement de vivre avec un bracelet électronique au pied, hein, contrôlé du jour et la nuit. Donc, là, qu'est-ce qu'on en pense de ça aussi? On n'en a pas parlé de ça, du bracelet électronique, mais ça devient de plus en plus, ça commence à devenir un petit peu plus, on en entend parler un petit peu plus. Bah, de toute façon, c'est dans la société idéale, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de bracelet électronique non plus. Oui, allez-y. Bonsoir à tout le monde, je viens d'ailleurs. Je viens de l'Espagne. Et bon, je crois que le problème, c'est que, par exemple, je suis obligé de m'en aller de chez moi parce qu'il y a des gens qu'on appelle le troisième monde qui viennent parce qu'ils croient qu'ici, on trouve un vie meilleur. C'est une question que les gens, quand ils arrivent, ils trouvent que la vérité, c'est qu'il y ait des réveils. Vraiment, nous avons des problèmes, hein, comme tout le monde, peut-être, plus de s'arroyer que les autres, mais quand même, on est tous dans le même bateau. C'est plus simple d'apprendre à vivre ensemble et essayer d'être, pas pour nous, mais pour notre fille et notre fils, laisser un monde meilleur. À part ça, je vous remercie. Merci à toi. Est-ce que vous souhaitez poursuivre du coup sur donc une justice mais sans monde carcéral et peut-être on n'a pas encore tout à fait bien défini du coup de quelle façon la personne qui commettrait donc un acte vraiment qui engage la vie d'une autre personne ou sa vie ou son physique en tout cas. Même s'il y a l'aspect de responsabilité collective au lieu d'une responsabilité individuelle, est-ce que vous pensez qu'il est important tout de même qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'une punition ou pas? Alors je sais pas, travaux forcés ou est-ce que pour que la personne puisse se réintégrer en société, il faut qu'elle, j'ai dans l'idée un truc, une espèce de truc initiatique en tout cas, est-ce que voilà pour d'une certaine façon revenir, enfin pouvoir réintégrer la société et en ayant le pardon des autres. Est-ce qu'il faudrait du coup qu'il y ait une petite traversée, qu'il y ait quelque chose et de quelle façon ça pourrait se faire ou est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas du tout ça d'ailleurs? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? N'hésitez pas à participer, hein, vraiment, on est sur une place publique, la parole est ouverte à tous et à toutes. Oui. C'est incroyable, par exemple, la télévision en Espagne, j'y trouve, il y a beaucoup de, je sais pas les mots concrètement, mais par exemple, les politiciens, il y a plus de 600 politiciens en prison parce qu'ils sont bidés les caisses de la communauté. On parle par tous. Même les pauvres qui les riches. Bon, les riches, c'est un cas à part. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, la loi s'écrit et on devra la voir partout. Mais vraiment partout. Même sa riche, sa pauvre, sa SDF, n'importe quoi. Mais ça bouge l'argent. Et ça, c'est la société qu'on a créée. Si tu as d'argent, tu es quelqu'un. Si tu n'as rien, mais tu s'efforces personnellement, ça te donne des fruits. Mais basta. Après ça, bon, c'est se battre avec les politiciens. Mais bon, c'est un travail de bourreau et rendre chez soi. Moi, à 8h du soir, maximum, il dit basta. Et les problèmes, ils restent pour demain. Et c'est ça les problèmes. Qui toujours, on laisse les affaires pour demain. Et demain, c'est trop tard. On pense déjà, si on se bat maintenant pour laisser un monde meilleur, pas pour nous, mais pour notre fils, pour les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Vraiment, il faut récapaciter et penser qu'est-ce qu'on apporte chacun pour ce qui vient derrière. Ouais, donc je redis le thème sur lequel on est là. Donc on est dans un atelier EducPop qu'on fait toutes les semaines. Et aujourd'hui on pose la question de quelle justice veut-on dans la société idéale. Et donc là on était en train de parler justement d'un monde judiciaire aujourd'hui. Et donc sans prison. Donc on a quand même élaboré quelques petites idées là-dessus. Notamment le fait que quand il y avait une attaque des biens, il pouvait y avoir un remboursement du double du bien, par exemple, mais dans tous les cas, pas de prison. Et qu'à chaque fois, il fallait penser pour l'attaque des personnes en termes de responsabilité collective plutôt que responsabilité individuelle. Et donc, après, est-ce que quelqu'un souhaite poursuivre du coup sur cette question-là de la peine? Qu'est-ce que serait la peine aussi oui. Non, donc moi, je ne vais pas aborder la question de la peine, mais ce que je voulais dire, c'est que si un individu vient à s'en prendre à un autre individu, c'est que quelque part, il y a peut-être eu, dans le cheminement de l'éducation, un loupé. Parce que je pense que si toute personne a eu une éducation sur le respect de l'autre, normalement, cela ne devrait pas arriver. Donc, effectivement, si c'est arrivé, il y a eu un loupé quelque part. Ou alors, peut-être que cette personne, parce que tout à l'heure, on abordait un peu la question du corps, de la cellule. Donc je sais que sur le plan, comment on appelle ça, pas héréditaire là, mais bon, des fois on peut être porteur, sur le plan génétique, merci. Sur le plan génétique, sans le savoir, on peut être porteur de quelque chose que, je dirais, personne ne pourra soigner, vu que la génétique que l'on a en nous est là. Et donc, par exemple, quand tout à l'heure tu parlais de quelqu'un qui peut être impulsif, est-ce que l'impulsion ne vient pas éventuellement de quelque chose qui pourrait être génétique? Tout comme que quelqu'un est influençable, son influence ne vient pas également de quelque chose qui pourrait être génétique. Et donc dans ces cas-là, ça ne peut pas se soigner. Enfin, se soigner, pas uniquement se soigner, parce que dans se soigner, je ne vois pas du tout le côté médicament, parce que pour moi, le médicament, ce n'est pas quelque chose qui va être aidant. Au contraire, ça risque d'endormir plutôt que. Et puis après, voilà. Oh, j'aimerais bien reprendre sur son propos quand elle fait apparaître l'aspect peut-être génétique de la criminalité. Il y a toute une école là-dessus d'ailleurs, hein, et c'est grave. Effectivement, Et je voudrais pas trop discuter sur le potentiel dans le génome de rendre quelqu'un criminel. Ça me paraît, on est complètement à des mesures et on sort de l'essentiel qui pour moi est tout simplement l'éducation. Je suis abolitionniste hein, pour la prison, l'affaire est claire et nette. La démonstration de son, non seulement de son inutilité mais de sa nocivité n'est plus à démontrer. Et je pense que le problème se situe ailleurs. Moi je rêve d'une démocratie qui fasse vraiment son travail, c'est-à-dire en priorité s'occuper de la santé et de l'éducation des êtres humains, qui reste à définir d'ailleurs. Toutes ces éducations qui sont proposées un peu partout sont complètement sont déficientes de diverses façons. Et donc et des alternatives à l'éducation, on en connaît déjà pas mal, et très efficaces, ne sont pas appliquées. Bon, bien sûr, tout ça, il va falloir le mettre un jour sur la table. Mais je pense, moi je ne suis pas trop démocrate, je dis ça avec ironie, un peu pour m'amuser, parce que je dis que en démocratie, la voix du crétin vaut celle du génie. Bon, ça pose un petit problème quelque part, mais c'est pas un vrai problème, ça permet quand même de donner un reflet de notre société qui tienne la route. On peut pas se passer de la voix de l'idiot comme de celle du génie. Et donc, moi, je suis plutôt pour l'aristo-démocratie. Alors, je m'explique, l'aristo-démocratie, il n'y a rien à voir avec l'aristocrate, surtout pas génétique, d'ailleurs. Mais surtout, je pense à une démocratie qui fasse son travail d'éducation et de santé, qui permette à la population de s'élever suffisamment intellectuellement, moralement, afin de pouvoir décider en toute connaissance de cause et de façon intelligente, qui mettre où pour faire quoi, tout simplement, hein, dans notre société. Et moi je prends comme exemple la domestication, pour revenir aux génétiques, qui nous cassent un peu les oreilles. Bon, voilà. Et donc la domestication, je prends comme exemple pourquoi. L'agressivité de l'homme est directement liée à sa nature profonde. C'est un prédateur. L'homme est un prédateur, hein, il l'est toujours, hein, à la base, hein, son animalité se trouve là. Il a faim, il va bouffer, mon Dieu, pour bouffer, il préfère beaucoup de choses. Et donc, j'ai perdu le fil, j'ai perdu le fil, mais il va revenir. Ah oui, voilà, la domestication. Que remarque-t-on dans la domestication? C'est très remarquable, la domestication. La domestication, on le constate sur des espèces très... sauvages, hein, comme les félins par exemple, qui gardent leur instinct en toutes circonstances, presque. Les animaux élevés selon le mode humain, c'est-à-dire où on satisfait leurs besoins les plus élémentaires de façon constante, perdent leur prédation. Perdent leur prédation, c'est très important à remarquer. Les espèces domestiquées perdent leur prédation. Je pense que l'homme bien éduqué perdra son éducation un peu plus, voilà. Et en bonne santé surtout, en bonne santé, voilà. Tout à fait d'accord, et je voulais rebondir aussi justement sur la question du gène. Et je me disais, dans cette société idéale par rapport à la justice, il y a quelque chose qu'il faudrait vraiment appuyer, c'est il n'y a pas de déterminisme. Et donc ce serait une société sans déterminisme, où on ne dirait pas, voilà, justement. Et surtout que, bon, là, c'est juste un petit truc par rapport à la question du gène. De toute façon, maintenant, ils savent qu'il y a énormément de gènes qui ne sont pas du tout utilisés, parce qu'en fait, peut y avoir un potentiel génétique de base, mais le gène ne s'exprime que dans le milieu, qu'en fonction de la réponse du milieu. C'est le milieu qui donne, et les gènes peuvent se transformer. Donc en fait, c'est le milieu qui détermine de quelle façon les gènes vont s'exprimer ou pas. Donc ce qui fait que, en effet, on peut dire, oui, mais dans la même famille, ils sont violents. Oui, mais en même temps, s'il est dans un milieu violent, c'est pas le gène violent qui va s'exprimer, c'est le milieu qui va faire que du coup, c'est de cette façon-là, ça va s'exprimer chez lui. Bon, ça, c'était juste le petit truc. Et donc, je me disais, oui, une société sans déterminisme, du coup, dans laquelle, comme tout est pensé de façon circulaire et de responsabilité collective, si quelqu'un produit quelque chose, finalement, il le produit parmi d'autres et avec les autres. Et il peut choisir, d'une certaine façon, d'aller produire autre chose ailleurs et d'aller créer autre chose ailleurs et même, du coup, d'aller dans le plus d'endroits possible pour essayer d'autres choses et d'autres façons d'être et d'agir. Alors, il y avait Enro, Sylvain et vous. Voilà, Sur la question des peines, je pense que tu poses une question très très difficile parce que ça ouvre beaucoup de champs de questionnement. D'abord, il y a la question, par exemple, par rapport au pardon, par exemple. Par exemple, il y a la notion de loi du talion. Loi du talion, ça veut dire œil pour œil, dent pour dent. Si un citoyen tue un autre citoyen, donc lui-même, il doit être tué. Alors, si on considère que la dignité humaine est sacrée, alors la fonction de la justice, c'est aussi d'appliquer les lois. Donc si quelqu'un porte atteinte à un être humain et donc à un être considéré comme sacré, il est normal que la justice, au-delà de son rôle de prévention, ait aussi un rôle de répression. Donc là, à ce moment-là, je pense que ça pose un problème. Ou alors, il y a l'autre idée du pardon, qui est le, je dirais plutôt le pardon dans la forme chrétienne, avec l'idée que, en fait, c'est un pardon inconditionnel. Ça veut dire que là, il n'y a pas de loi du talion, en fait. C'est un abandon de la loi du talion. Et là, ça rejoint un peu l'idée que tu défends, qu'il n'y aurait plus de prison, qu'il y aurait une sorte de pardon inconditionnel qui serait partout. Alors moi, j'avoue que ça, alors j'y aspire, mais concrètement, je pense qu'effectivement que l'être humain est, comme disait Pascal, à la fois un ange et une bête et un ange, quoi. Et qu'il ne faut pas oublier la bête et qu'il y a des êtres humains malveillants, il y a des gens dangereux, il y a des criminels. Et que ces gens-là, malheureusement, je dirais, tant qu'on ne maîtrise pas leur violence, je pense qu'il faut les réprimer. Maintenant, les soigner. Alors, les soigner, mais... Voilà. Alors, et c'est pour ça, je pense que là, c'est important. C'est-à-dire qu'il faudrait effectivement qu'on imagine justement des recherches sur ce point-là, de rechercher concrètement, pour dire scientifiquement, si des expériences démontrent que un criminel, étant bien traité, a pu se décharger de sa violence. Et à ce moment-là, pourquoi pas généraliser le concept ? Mais avant de le généraliser, s'assurer que ça fonctionne vraiment. Parce qu'effectivement, si après un crime, on relâche la personne et qu'il y a une récidive, alors là, effectivement, le sentiment d'injustice pour les victimes, il va être terrible. Et à ce moment-là, on n'est plus dans une société juste. Donc là, ça pose un problème de fond, je pense. Il y avait juste Sylvain, d'abord. Mais juste, enfin, dans ce qu'on a dit avant, c'était pas qu'on fait comme s'il n'y avait rien eu. C'est qu'à ce moment-là, la personne a fait du mal à quelqu'un d'autre, mais elle s'est fait aussi du mal à elle-même. Et donc, comment justement ça puisse fonctionner sans que la personne parte du coup dans un mode, j'ai envie de dire, culpabilisant, où elle va jamais ressortir de cet acte qu'elle a produit? Comment tout de même elle peut faire un acte de réparation pour la société d'une certaine façon qui permette que pour les autres, il y ait quelque chose d'accompli, une sorte d'accomplissement en fait, qui nettoie pas tout à fait, parce que oui, la nettoyer c'est un peu chrétien là, vu comme ça, qui nettoie pas l'acte, ce qui ne l'efface pas. L'acte a été produit, il a fait du mal à beaucoup de personnes, à la personne qui l'a produit elle-même. Et donc du coup, de quelle façon, et peut-être d'ailleurs on pourrait poser la question au coupable, de quelle façon peux-tu, voilà, qu'est-ce que tu pourrais faire pour réparer finalement ce qui s'est passé et qu'est-ce qui pour toi serait suffisant et les autres pourraient à ce moment-là réagir par exemple. Enfin, je sais pas, je viens de penser ça, mais... Mais juste par rapport à la peine aussi, parce que ça me faisait penser aussi à l'histoire de l'emprisonnement que fait Michel Foucault. Il dit au départ, on punissait les corps. Hein, c'était la lapidation, donc on punissait les corps. Et ensuite, à partir de la prison, on punit l'âme. C'est-à-dire que quand on va en prison, on te prive de ta liberté, etc. Et donc voilà, on punit le corps, soit on punit l'âme. Alors moi, je sais. Ou alors, effectivement, il y a réparation, on l'envoie aux travaux forcés. Donc ça, moi, j'ai pas de réponse, mais c'est vrai que c'est intéressant comme question. Est-ce que c'est moi? Je ne savais pas au début de traiter la question. Je parle pour moi-même. Je suis entré en prison à l'âge de 16 ans. J'ai sorti avec 41 ans. C'est-à-dire, j'ai passé 24 ans en prison parce que la société elle croyait que j'étais un délinquant. Même il y a des gens qui mettent des explosifs, je sais pas bien comment ça c'est dit en français, mais bon, ok, d'accord. Je rentre avec 16 ans en prison. Je me trouve avec des jeunes plus âgés qui m'apprennent qui pour y faire des délits ou des autres choses pareil, tu vas payer par rapport à la loi moins que si tu fais la même chose. ou quelque chose de plus gros. Ok. Donc, maintenant, je me trouve par rapport à ça dans un pays étranger, essayant de trouver mon endroit dans la société. Société qui marque sa loi, mais c'est une loi pas claire parce que on la couple pour un, mais pour les autres, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, si tu as d'argent, tu peux passer la loi tranquillement. Si tu n'as pas d'argent, tu as payé tous les erreurs de la société. Il y a des gens qui viennent bien pour. C'est très important, l'éducation. L'éducation, ça permet de pas être ailleurs de la société. Tu te trouves maintenant, je viens de tout juste d'arriver de notre pays, parce que bon, je trouve que les gens, ils viennent des pays et ils croient qu'il est pire que nous. Parce qu'elle croit que la société, c'est la, oui, c'est comment, ah, désolé, monsieur, ça vient pas à la tête. Il y a vraiment, c'est un bordel, franchement. Oui, donc pour ce genre de cas, il y a quelque chose que moi j'ai pas entendu, ou alors c'était pas très clair et explicite pour moi. C'est du coup, il faut prendre en compte la, et ce que je disais un peu tout à l'heure, la, entre guillemets, ce qu'on appelle la masse et l'opinion publique. Parce que généralement, quand on a affaire à ce genre de cas, on déraisonne entre guillemets, et on quand on touche la corde sensible, et du coup c'est Je vais prendre un exemple qui va vous paraître complètement bizarre, mais dans le dernier Batman de Christopher Nolan, quand il y a un espèce de terroriste qui prend en otage la ville et qu'ils instaurent la loi martiale et que c'est un peu un truc anarchiste, et en fait dans le tribunal, c'est même pas un procès, hein, en gros c'est la mort ou l'exil. Et en fait l'exil, les mecs vont sur un lac glacé et au bout de 3 secondes ils tombent à l'eau, et donc en gros c'est la mort. Et en fait ce qui est assez... pourquoi je dis ça, c'est que du coup en fait on va dire, à part la police etc. et les anciens acteurs, on va dire, du système judiciaire et policière, les autres, en fait la globalité des gens suivent en fait, et du coup ça c'est quelque chose, c'est une qu'il faut pas occulter, et c'est très difficile en fait d'être impartial dans tout ça, parce que c'est un peu comme je le dis souvent, hein, t'as beau dire aux gens de voter tel parti, de pas voter ça, ou de voter blanc, ou de pas voter du tout, ou de boycotter, finalement les gens ils prendront la décision peu importe ce que tu leur dis. Et dans ce genre de cas, je pense que la plupart du temps, l'opinion, entre guillemets, ce qu'on appelle l'opinion publique, c'est très difficile à faire bouger une opinion publique. Et si, alors après, soit il faut un système, alors je vais dire médiatique, mais c'est pas dans ce sens-là, mais un système d'information complètement transparent avec des faits, des trucs qui ne sont pas, entre guillemets, qui n'ont pas de parti pris, éventuellement un avis pour et un avis contre. Mais dans ces cas-là, c'est... Après, sinon, ça fait des affaires Dreyfus, quoi. C'est le pays... ça s'enflamme, et finalement, au bout d'un moment, je suis pas sûr que... Et on le voit dans plein de cas, notamment dans le dernier que j'ai en date, c'est la... Je me rappelle plus de son prénom, là, la femme qui est emprisonnée parce qu'elle a tué son mari qui l'a battue. Je sais plus. Mais clairement, par exemple, les associations qui étaient montées au créneau pour sa libération, quelques semaines après, on dit non, finalement, on fait trop de barda médiatique, et en fait, c'est nocif, et finalement, ça joue pas à son faveur, donc c'est pas qu'elles ont fait marche arrière, mais du coup elles ont été beaucoup moins présentes dans les médias et elles ont calmé le jeu parce qu'elles se sont rendues compte qu'en fait ça allait, ça jouait en défaveur de Jacqueline Jobert, je crois, Jacqueline Sauvage, voilà. Et ça pour moi c'est très important. Alors dans la société idéale, ok, la bienveillance, etc., etc. Mais à ce moment-là, je pense que la bienveillance, malheureusement, elle vole un peu en éclats. C'était toi à parler après ou pas? Il m'a cerblé, oui. Moi, j'aimerais répondre à tous les deux, d'ailleurs, Enro et Sylvain. Il me semble qu'on s'éloigne encore du sujet dans la mesure où on se fait, juge de ce qu'il faut appliquer comme sentence pour tel ou tel délit. C'est-à-dire, on met en position actuelle, voilà, nous avons des délinquants en face de nous, qu'est-ce qu'on en fait? La question est intéressante. Et effectivement, tout à l'heure, il m'a semblé qu'il a cité « Surveiller, punir » de Foucault. Là-dedans, c'est très clair, la nocivité de la prison n'est plus à démontrer, donc il faut sûrement autre chose. Et ce que je voulais dire, surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas les délits qui ont été commis et les peines, les sanctions éventuelles à appliquer, mais pourquoi ces délits ont été commis? Qu'est-ce qui a fait que ces délits sont commis? C'est ça qui m'intéresse. Et donc je reviens à l'éducation. J'aimerais comparer un peu la criminalité, les criminels plutôt, aux traumatisés de guerre. Aujourd'hui on en a beaucoup. Je vais prendre par exemple le cas d'Israël, où il y a déjà une génération qui est née dans la guerre, et puis a connu que la guerre. Ça donne des psychopathes, c'est clair. Effectivement, les scènes d'horreur de la guerre n'arrangent pas les personnes. Et donc je pense que pour nos criminels et nos délinquants, c'est un peu la même chose. Notre société est pathogène, lourdement pathogène. Et donc l'essentiel ne serait pas de déterminer des sanctions plus ou moins lourdes, mais de voir de pourquoi c'est notre société pathogène, ou rectifier le tir. Bon sang, nous les citoyens, d'ailleurs, on est là pour ça et on veut faire la révolution. On veut plus de ce putain de monde où on fait n'importe quoi. Penchons-nous sérieusement sur les questions. On ne le fait pas. Si des gens le font, mais ils ne sont pas entendus. Ils le seront bientôt, je l'espère. Et tout à fait, du coup, par rapport à ce qu'on avait dit de la responsabilité collective, et je trouvais justement, cette idée-là qu'on demande à la personne en fait qui a commis l'acte de quelle façon est-ce qu'elle pense qu'elle pourrait, donc, non pas le réparer dans le sens de l'annuler, mais reconstruire un petit peu ce qui a pu être détruit par elle-même, qu'on lui demande à elle en fait. Et du coup, ce ne serait pas l'opinion publique qui décide, parce que là, il peut y avoir des lynchages. Enfin, mais déjà, comme il y aura responsabilité collective, c'est différent. Mais à ce moment-là, qu'en fait, voilà, on demande à la personne de quelle façon est-ce qu'elle pense qu'elle peut... Alors attends, juste parce que... D'accord, non, mais parce qu'il y a Khaled aussi. Juste tu comprends. Bon, vas-y Khaled. Ouais, de toute façon, on a le temps de parler, on est tranquille, non? Il y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de... Donc ouais, c'était pour rebondir sur ce que disait, justement, sur ce que tu disais, là. J'en perds, mais mon idée, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Effectivement, le problème, c'est pourquoi... C'est une bonne question, pourquoi une personne en arrive à devenir un délinquant, etc. C'est vrai que, bon, on peut comprendre les policiers quand ils nous disent que nous, on attrape des gens, mais ils vont pas en prison, etc., etc. Les peines sont pas assez fortes pour dissuader les gens. On peut les comprendre, les policiers, ils sont dans un monde. Mais bon, moi, j'avais rétorqué, comme disait Victor Hugo, ouvrez une école, vous fermerez une prison, quoi. Voilà. Et c'est sûr qu'il y a des conditions aussi qui font qu'on a une délinquance plus ou moins prononcée. Par exemple, ils se sont aperçus quand ils ont créé les cités fourriéristes au 19e, c'est-à-dire des cités d'ouvriers, que ça générait de la délinquance. Pourquoi? Parce qu'on mettait que des gens il n'y avait pas de mélange de mixité sociale, et on mettait plein d'enfants, voilà, avec les mêmes conditions sociales, les mêmes problèmes sociaux, et ça générait de la délinquance. Donc ils s'étaient déjà aperçu ça au 18e, donc je comprends pas, pardon, au 19e, donc je comprends pas pourquoi ils ont recréé des cités comme aujourd'hui, quoi. Enfin bon, il se trouve que bon, bah voilà, quoi, on retombe un peu dans les mêmes problèmes. Donc il y a quand même des conditions qui engendrent de la délinquance. Quand on est dans un système dans lequel on est, système capitaliste, hein, de la consommation, faut toujours consommer, on a une espèce de dictature qui nous qui tout le temps nous bombarde d'images pour qu'on consomme et qu'on consomme et qu'on consomme. Donc il y a des gens qui sont par exemple dans les classes moyennes ou autres, ou les classes au-dessus, eux ils ont les moyens de consommer, les enfants peuvent consommer, etc. Et à côté de ça, il y a des exclus. Donc on leur, il y a des exclus, il y a une espèce de frustration qui se génère dès l'enfance. Et donc voilà, on en arrive à évidemment des délinquants parce qu'on leur on est tout le temps en train de les bombarder d'images, une espèce de dictature publicitaire pour qu'ils consomment, mais ils peuvent pas consommer, donc ils sont frustrés. Donc ouais, ils sombrent aussi dans la délinquance. Je pense que c'est aussi une des raisons, quoi. Enfin bon, voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de raisons qui font que qui amène à la délinquance. Alors après, pour corriger tout ça, bon voilà, je pense alors il y a la correction après, faire des centres pour rééduquer les gens, mais bon, hein, si c'est les conséquences, on travaille sur les conséquences, il faudrait travailler sur les causes, sur les origines de la délinquance, ce serait certainement plus intelligent, voilà. Bon, je vais compléter mon propos, donc, qui rejoint complètement ce que tu viens de dire. Tout à l'heure, j'ai fait la comparaison de la criminalité comme des gens les traumatisés de guerre. Et au même titre, par exemple, l'éducation des enfants, il n'y a pas très longtemps, encore un peu partout dans le monde, il était naturel et normal de frapper les enfants pour les faire obéir. On connaît aujourd'hui le désastre que cela génère. Et donc voilà des causes de société, de façon de vivre, qui produisent un désastre dans notre société. Voilà. Donc c'est plus les causes qu'il faut. Il faut vraiment s'arrêter là-dessus, chercher les solutions. On en connaît d'ailleurs. On en connaît. L'éducation et la santé sont les principales. Et donc pour rectifier le tir, quoi. Voilà. Plutôt que comment punir. Comment ne pas punir, ça serait mieux. Alors je rejoins complètement Serge et Khaled. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Effectivement, travailler sur les causes, sur la prévention. Parce que je parlais de Socrate qui disait qu'il parlait de justice-vertu. Il disait qu'il ne peut pas y avoir de société juste sans citoyens justes. Et donc l'éducation joue un rôle essentiel. Parce que l'éducation nationale devrait justement former des citoyens, leur apprendre la justice, etc. Afin d'en faire des. Effectivement, qui vivent dans un environnement apaisé, dans lequel ils soient à la fois libres, etc. Mais la question qui était posée, c'était la question qu'est-ce qu'on fait quand un crime est commis? Qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est une question difficile. On voudrait en faire un sujet tabou, ne pas en parler et se focaliser sur la prévention. Mais moi je pense qu'il faut traiter les deux faces de la question, à la fois la prévention et tout ce qui a été dit précédemment, qui est absolument juste, mais sans pour autant nier cette question qui est difficile de dire qu'est-ce qu'on fait quand il y a un crime qui est commis. Est-ce qu'on le punit? Est-ce qu'on fait une réparation? Et dans ce cas-là, si le délit est irréparable, comment on fait? Est-ce qu'on l'enferme? Est-ce qu'on le. Etc. Donc moi j'ai essayé de répondre, mais c'est difficile, hein, c'est difficile. On parle des criminalités. Ok. Les gens, apparemment, la loi, il dit. Les gens, elle est innocente jusqu'à ce qu'elle se montre le contraire. C'est tout à l'envers. Si vous voyez la représentation de la justice, c'est une femme avec les yeux bondés, ouais, avec un balance dans la main et une épée dans l'autre. Ok. C'est ça là que je viens de dire. Ah bon. La première fois que j'étais allé en prison, ok, j'avais l'âge des 16 ans. J'étais un gamin. Personne ne s'est occupé de ma réinsertion, comme on dit. Rien. Personne ne s'est occupé de savoir qui vraiment c'est un délinquant. On s'était malade. Personne. Pourquoi? Parce que, par exemple, chez moi, dans les années 80, les inspirants à président, il a, avec l'argent d'un cartel de Cali, il s'est payé les présidences, quoi. Il a acheté la présidence. Il a permis de rentrer de la héroïne, de la cocaïne, n'importe quoi. Ça, c'était comme la polvora. Polvora. C'était. Ça t'a fait n'importe quoi avec les jeunes. C'était une question qui est bon. Après, ouais, tu commets un délit. Ok. Mais par rapport à quoi? Vraiment, tu es un délinquant? Oh, tu es obligé par rapport à ce qui sont dans ton cœur à y faire pas mal les gens. Mais si à tenir le peu qu'il te demande, on va l'appeler le médecin pour tenir la journée. Donc, vraiment délinquance, ouais, je suis d'accord. Moi, vraiment, j'ai passé, je répète, 24 ans en prison. Et je ne suis pas encore d'accord les violateurs. Il y a c'est plus que j'ai trop plus de délinquance les gouvernements que de la rue. De la rue, il y a des gens qui le voient, qui les grands, ils font le qu'il veut être grand aussi, il veut être. Ah, j'ai fait comme les grands, là, là allez, j'y prends de la cam, j'y prends n'importe quoi. Mais 4-5 jours après, tu sens dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris, mais je suis obligé d'avoir de l'argent pour acheter ma vie. Ma vie qui c'est pas vraiment la vie, c'est la c'est entouré de la merde, est-ce que c'est moi? Il y a vraiment délinquance. Oh, le délinquant, c'est vraiment les gouvernements qui permettent que les gens y a le s'accouple avec les vraiment délinquants. Il y a deux façons de délinquance. Je crois que la France, c'est pareil à l'Espagne. C'est les délinquances, vraiment, parce que je ne connais pas les cités, mais toujours j'ai entendu mauvais commentaires sur les cités. Les gens, ils ne savent rien faire, ils n'ont pas d'éducation. Ils sont, je sais pas, je sais pas comment ça se passe là-bas, mais vraiment quand tu mets dans un endroit trois classes différentes de personnes, des relations, des éducations, tout ça, ça doit venir n'importe quoi. Mais oh, qu'est-ce qu'ils fassent? Ok. Donc, il qui passe, il prend son argent dans la poche et demain, c'est un autre jour. Oui, tu voulais dire. Oui. Je voulais répondre à Andro au sujet de que faire justement de nos criminels. Mais on a quand même des exemples. Les pays d'Europe du Nord traitent très bien ces affaires depuis longtemps. Ils en sont déjà à fermer les prisons. Quand même, donc on manque pas d'exemples probants sur le sujet. Nous, on ne les veut pas. Enfin, quand je dis nous, c'est pas nous. Ils ne les veulent pas. C'est bien dommage, mais on y viendra forcément. Parce que le désastre des prisons en France, c'est un véritable désastre. Ce jeune homme s'exprime là, on voit très bien ce qu'il dit, c'est lourd quoi. Hein. Ce qui se passe dans les prisons françaises, c'est scandaleux. D'ailleurs, la France est condamnée régulièrement par la Commission des droits de l'homme du citoyen européenne. Elle est condamnée régulièrement pour... c'est la barbarie ce qui se passe dans les prisons françaises. Bon, enfin, ça changera, j'espère. Je redis pour les personnes qui viennent d'arriver, là, donc on est dans un atelier EducPop qu'on fait toutes les semaines sur quelle société veut-on. Et aujourd'hui, on traite le thème de la justice. Donc là, on était sur... un système sans prison, et donc de quelle façon du coup est-ce qu'on gère les délits qui sont commis, et on avait pensé en termes de responsabilité collective plutôt qu'individuelle. Et oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, juste un tout petit truc, tout à l'heure j'entendais travailler en fait sur la prévention et sur la punition ou la répression, enfin je sais pas. Enfin de toute façon oui, pour moi c'est indispensable, enfin évidemment qu'on préférait travailler que sur la prévention. Mais en fait, voilà, on est obligé de faire avec ce qu'on a, effectivement. Et là, forcément, que quand tu dis on a des crimes, avec quoi on saura pas quoi faire si on devrait faire que de la prévention. Et du coup, en fait, ce que je voulais juste dire, c'est que de toute façon, les deux sont forcément liés. La réponse qu'on apportera en répression jouera un rôle énorme dans la prévention, en fait. Donc évidemment, il faut travailler sur les deux. Et après, je pense qu'il faut travailler sur les deux dans le sens de la prévention, quoi. C'est ça, en fait. Voilà. Je voulais rajouter quelque chose parce qu'on a parlé aussi du rapport avec la médecine, et je pense qu'il y a un petit souci aussi dans la justice actuelle, c'est qu'elle est très très en lien avec la médecine et notamment la psychiatrie, et pas forcément dans le meilleur sens. Donc il me semble que dans cette société idéale, il faudrait vraiment une séparation énorme entre ce qui est du côté de la médecine et ce qui est du côté de la justice. Qu'il n'y ait pas par exemple cette question d'expertise de l'acte par rapport à la responsabilité. D'ailleurs, de toute façon, vu qu'on a dit responsabilité collective, ça l'enlève tout de suite. Et que, du coup, là encore une fois, ce soit pas quelque chose d'imposé, qu'il y ait du soin derrière. Que si la personne, justement, suite à son acte, ressent vraiment qu'elle a besoin d'aide, en plus déjà du support qu'il pourrait y avoir dans la société, à ce moment-là, elle peut faire la demande et ça peut être reçu. Mais que ce soit pas quelque chose d'imposé, parce que c'est un peu contradictoire aussi. Ben ouais, je suis d'accord avec toi, mais là, le gros problème, c'est les moyens. Voilà, ils vont parler des problèmes dans les prisons. Les prisons, elles sont surpeuplées aussi. Les prisons sont surpeuplées. Et au niveau pareil, des moyens, des gens qui auraient des problèmes psychologiques, etc., tu parlais de psychiatrie. Le problème, c'est que, voilà, c'est pareil, c'est une question de moyens. On a plein de gens qui se retrouvent en prison alors qu'ils devraient aller, peut-être qu'ils auraient besoin de soins psychiatriques, enfin, ou psychologiques, enfin, je sais pas quel terme utiliser. Voilà, quoi, ça, c'est un problème. Donc, voilà, on en revient aussi au même problème. S'il y a tout le temps beaucoup plus de délinquance, c'est qu'il y a aussi un problème, eh ben, à l'origine. Et moi, je reviens sur la prévention, parce que pour moi, c'est vraiment le gros problème. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, comment on traite? Mais le problème, on peut traiter éternellement s'il n'y a pas la prévention qu'il faut. C'est ça, hein. S'il n'y a pas la prévention qu'il faut. C'est simple, on regarde... Moi là, on parle des cités souvent. Mais il suffit de regarder quand il y avait le plein emploi dans les cités, il n'y avait pas toute cette délinquance, il n'y avait pas le marché de la drogue, il n'y avait pas tout ça, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y avait le marché du plein emploi, c'est tout simple. Hein. C'est tout simple. Après, il faut avoir les chiffres, hein, mais il me semble quand même que... Moi, par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais plus jeune et aujourd'hui, il y a quand même une grosse différence, quoi. On n'avait pas un marché planifié de la drogue en France, dans les cités, quoi. Il y avait une délinquance, c'était pas la même, quoi. Il n'y avait pas des jeunes qui se tiraient qui se balançaient des coups de Kalachnikov, qui tuaient leur frère à coups de Kalachnikov pour des territoires à Marseille, comme il y a aujourd'hui. Il y avait une délinquance, mais c'était pas la même, quoi. C'était plus une délinquance spécialisée, quoi. Voilà, quoi, des gens qui avaient choisi de vivre dans la délinquance. Mais bon, voilà, c'est là qu'on voit quand même qu'il y a un problème, quoi. Ouais, moi, je reviens à la pub qui nous oblige toujours à consommer, et des gens qui sont frustrés parce qu'ils consomment pas, etc. Et puis voilà, quand il n'y a pas de travail, bah voilà, quoi, évidemment, les gens, ils sont livrés à eux-mêmes. Et puis il y a aussi, voilà, les problèmes de mixité sociale. etc., etc. Enfin bon, voilà, je pense que c'est quand même la prévention, parce que on peut traiter éternellement, hein, et après nos policiers nous diront toujours, et on peut les comprendre, bah oui, bah, parce que c'est pareil, c'est des questions de moyens. Eux ils sont pas contents parce qu'ils se disent ouais, on attrape des gens, ils se retrouvent dehors tout de suite, quoi. Évidemment, les mecs ils se moquent d'eux même presque, quoi, des policiers. Donc les policiers, évidemment, ils se disent notre travail sert à rien si on attrape des gens et puis qu'ils vont pas en prison. On peut les comprendre aussi, mais bon, voilà, quoi. Le problème il est pas là, le problème il est à l'origine, quoi. Le problème il est qu'est-ce qui fait que les gens ils deviennent des délinquants, qu'est-ce qui fait qu'il y a, voilà, bon, je me répète, quoi. Alors juste, il reste un, deux, t'avais aussi un. Donc il y a 4 tours de parole, donc on va finir sur ces tours de parole là, et de toute façon dimanche prochain on va reprendre sur ce thème là, et peut-être qu'on essaiera de préciser ce qu'on entend par prévention. Ce serait quoi du coup la prévention dans la société idéale? Ce serait peut-être pas mal de savoir un petit peu ce qu'on met en dessous. Oui, alors par rapport à ce que disait Gilbert concernant l'Europe du Nord, et où il y avait des traitements différents qui fonctionnaient mieux que la prison, moi je m'en réjouis complètement. Mais je pense qu'il y a une autre question qu'on n'a pas posée et qui est importante, c'est est-ce que le mal existe? C'est ça l'idée. Parce que si on part de l'idée que tous les délinquants, tous les criminels, si on part de l'idée finalement que nul ne fait le mal volontairement, ou alors pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire dans le sens où finalement les gens sont criminels ou les gens font du mal parce que finalement ils sont ignorants, parce qu'ils ont un problème et donc il faut les guérir. Et donc dès lors qu'on les éclaire... C'est pas une maladie, tout à fait. C'est pas une maladie, mais dès lors que justement on les traite, on les soigne, on prend soin d'eux, donc finalement ils se libèrent du mal qui était en eux, du manque d'être, et puis ils deviennent bons. Alors moi personnellement, je partage pas cette idée. Je pense, c'est un avis, hein, que le mal existe, qu'il y a des gens qui sont porteurs du mal, d'une puissance malveillante, et que ces gens-là, à mon avis, on peut pas les guérir. Alors maintenant, moi je dis pas qu'on peut pas les guérir, mais je dis qu'en tout cas, moi personnellement, je pense que le mal existe. Je pense qu'il y a des gens qui sont mauvais. Je prends le marquis de Sade, par exemple. Le marquis de Sade. On peut pas dire il a vécu dans des conditions sociales difficiles, il a pas accédé aux lumières de la connaissance, etc. Et pourtant, c'était un criminel. Et il jouissait de la souffrance de l'autre. Alors ces gens-là, vous pouvez les envoyer dans des... Ah, c'est une maladie. Voilà, alors ça, c'est une façon de... Donc là, voilà, on rentre dans des... Alors voilà, ça, c'est parfait. Et on dit, alors le marquis de Sade était malade. Moi, je pense pas. Je pense que le marquis est un génie, mais il était porteur d'une quelque chose de maléfique en lui. C'est tout. Et que ça se soigne pas. Il faut réprimer, c'est tout. Peut-être qu'il faudrait plutôt penser en termes de bien mal, de la violence. La violence, en effet, elle existe, mais la question, c'est comment est-ce qu'elle est gérée. Mais Bruno, c'est à toi. Vas-y. Je voulais faire une petite remarque sur ce qui nous apparaît comme une explosion de la criminalité et de la délinquance en France. Pour parler pour la France. J'ai commencé parce que c'est une situation qui est la fin du 19e siècle, où la population française est environ 30 millions d'habitants. Il y avait déjà des quartiers dans la région parisienne, comme la Courneuve, où les forces de police n'allaient pas, parce qu'ils étaient en danger. Ils savaient qu'ils étaient en danger, qu'ils allaient se faire tirer dessus, attaquer à coups de bouteille et à coups de cailloux. À fin du 19e siècle. Fin du 19e siècle. Paris, c'était la ville la plus dangereuse. Et aujourd'hui, on est aussi confronté à la population a doublé en France. Elle a même plus que doublé. Forcément, il y a plus de délinquance, il y a plus de criminalité, c'est mécanique avec une population en hausse. Et on est aussi confronté à un autre phénomène, c'est qu'aujourd'hui, dans les médias, il est entretenu depuis les années 80 un phénomène de peur, c'est-à-dire qu'on se met à nous parler de plus en plus de tous les actes de délinquance, de malveillance, de tout ce qui peut faire peur, qui peut entretenir l'horreur. On nous en parle de plus en plus. Et maintenant, les médias, ce n'est quasiment plus que ça à tout niveau qui nous est présenté. Ce qui nous donne là cette impression qu'on est dans une société qui va à vaut de l'eau, qui est de plus en plus dangereuse. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ça, il nous faudra avoir accès aux statistiques. Voilà. Ouais, vraiment, je suis d'accord avec vous. Parce que on ne fait pas vraiment la différence entre les délinquances et vraiment la nécessité de la société. Vraiment, il y a beaucoup des gens qui ont remarqué comme délinquants, mais quand vraiment ils ont besoin d'une nourriture chez eux, simplement. Je sais pas comment ça se passe ici, la France, Mais la plupart des gens qui font des malades à la société, c'est fait des malades personnellement à la région. C'est fait des malades dans la poche. Parce qu'il y a des besoins de... Ici, le travail, il y a des chômages, il y a des... un simple cas. Le vendredi, je viens d'arriver à Paris. J'appelle au 115. Voilà, écoutez-moi, je suis espagnol, je viens d'arriver. J'ai besoin d'un endroit pour passer la nuit. Pouvez-vous m'aider? Mais écoutez-moi, vous êtes européenne, vous avez le droit de marcher sur le territoire français, mais vous n'avez pas le droit de toucher les acédiques, un plat chaud de le reste du corps, je crois qu'il y a... Que des trucs comme ça, tout ça. Bon, déjà, ils m'oublient. Mêmement, les gouvernements, ils m'oublient, obligés de me tenir dans la misère ou faire quelque chose pour sortir en avant. Peut-être un jour, peut-être deux. Si c'est mauvais que les gens qui rentrent dans prison, après ils sortent, oui, ils te donnent le chômage. Ok, le chômage pendant 6 mois, 1 an et tout. Mais ils te donnent pas les bases pour l'éducation. Complètement effacé de la société. La société n'a rien savoir de toi parce que tu as commis une erreur dans ta vie. Bien méditer, bien pour nécessité. Mais bon, quand même, d'abord, dans le principe, est-ce que on a quelque chose à prévenir après de sortir des prisons. Qu'est-ce qu'il va y faire? Moi, j'étais obligé d'aller, de laisser chez moi parce qu'il vient Jean dehors, qu'il croit que ça se passe meilleur dans l'Europe. L'Europe. Ouais, bah je laisse la parole. Alors, du coup Gilbert, t'avais un tour de parole, hein, c'était le dernier, mais oui. C'est sur le thème de la justice. La justice. Ouais, dans la société idéale. Soyons tous égaux, voilà. La seule parole, c'est soyons tous égaux. Non, vrai ou pas? Voilà. Peu importe les pays, peu importe le monde dans lequel on vit, soyons tous égaux. Soyons tous nous-mêmes, aussi bien dans nos faiblesses que dans nos forces. Moi, je vous donne à tous Paris, la force. Je donne à tous les immigrés, la force. Je donne à tous les sans-papiers, la force. Moi, maintenant, je vous dis un truc. Moi, j'ai des enfants et je veux qu'ils grandissent dans un monde bien meilleur. Et je vois, il y a des vieux, ils nous regardent et ils se moquent de nous. La vérité se moque de nous, parce que quelque part, on a perdu cette éducation qu'ils ont si bien menée. Et qui nous a menés jusqu'ici, c'est juste les médias qui vous ont montré une mauvaise image de vous-même, de vous, de ce que vous représentez la France, de tous les pays d'Afrique, de peu importe d'où vous venez dans le monde. Voilà. On vous a seulement sali votre image. Maintenant, on est là tous pour être soudés. Et voilà. Voilà. Merci, Paname. Voilà. Oui. Moi, je voulais revenir sur ce que tu avais relevé, Adèle, sur la médecine en prison. Effectivement, c'est une médecine particulière. Et de surcroît, on y retrouve les traitements des pathologies psychiatriques. Mais ils les traitent bien à leur façon quand même, parce qu'ils bourrent les détenus de neuroleptiques et c'est sûrement pas l'idéal pour les soigner. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et pour le, la personne qui vient de parler, effectivement, il parle d'égalité. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Vivement. Merci. En effet, c'est ce qui s'appelle la camisole psychique. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre participation. C'était très, très intéressant. Donc, on poursuivra du coup dimanche prochain de 14h à 16h sur le thème de la justice à nouveau. Donc, on reprendra ce qui a été dit aujourd'hui pour le développer du coup dimanche prochain. Voilà. Donc, nous, on va s'arrêter, mais faites ce que vous voulez, quoi. Au revoir.